Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Movies Nerd, émission mensuelle où on se retrouve pour parler de cinéma entre passionnés. Vous écoutez en ce moment l'épisode numéro 28, enregistré le 5 octobre 2016. Je suis Axel, un des hôtes qui vous accompagnera durant ce podcast. Mais je ne suis pas seul parce que j'ai le plaisir d'avoir mes côtés, mes co-hôtes habituels, en commençant par Eddy. Salut. Salut. Comment vas-tu? Ça va bien. Nickel. Et Morgane aussi, salut. Bonjour. Comment tu vas? Bien, je sors d'un petit rhume, donc du coup j'ai peut-être un peu la voix un peu incertaine, mais vous inquiétez pas, les idées sont fraîches. D'accord. Et, ça n'empêchera pas de nous faire des blagues et de balles, hein, de toute façon. Ah oui, c'est ça. Et je préviens juste que j'ai super mal à la gorge, donc si ma voix est un peu différente que d'habitude, c'est normal. Donc ouais, ça fait un petit moment quand même qu'on n'a pas enregistré, vu que ouais, le dernier c'était le hors-série d'été, ça paraît déjà super loin. Ouais, mais à la base, oui, ouais. Rappelons que tu t'avais enregistré tout seul en solo. Ouais. Enfin, en solo, hein. Oui, donc déjà que j'étais aussi un peu malade et que j'ai essayé d'enregistrer seul sur des news qui personnellement n'étaient pas, enfin, un truc qui m'intéressait, il n'y avait pas beaucoup de trucs qui m'intéressaient dans les news, il n'y en avait pas beaucoup. C'était un peu difficile. Non, un podcast voilà. Tout seul, c'est pas. C'est en plus, parlons cinéma, c'est encore plus dur parce que c'est surtout sur réagir à des news et converser dessus. Donc, du coup, c'est pas très fun de le faire tout seul. Donc, voilà. De toute façon, il reviendra en octobre. Au moins, l'avantage, c'est que t'es sûr d'avoir raison. Donc. Ouais, mais si je me trompe, après, tout le monde me tombe dessus. Si tu te contredis tout seul, il faut consulter, par contre. Voilà, oui, c'est vrai qu'il n'y a personne. Dans ces cas-là, il n'y a personne pour te. Ouais. Pour vérifier tes sites, ouais. C'est ça. Puis bon, disons-le franchement, tu as besoin de nous et voilà, nous sommes l'âme de Movies Nerd un petit peu. Donc. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais en profiter juste avant. Vas-y, fais ton petit message. Ouais, j'ai envie de faire un petit coucou à quelqu'un sur Twitter. Je ne connais pas son prénom, il me l'a jamais dit. Mais bon, son Twitter, donc c'est Nemo, hein, je vais l'appeler Nemo Nobody, qui m'a fait un joli. Ouais, la vie, ouais, Sydney. Ouais, sûrement. Et d'ailleurs, il vient de me tweeter quelque chose. Il m'a fait un joli compliment il y a deux jours en disant que parmi la team Movies Nerd, j'étais son préféré. Et ça m'a trop touché. Je voulais. Voilà. Donc, alors en fait, voilà. Il préfère le seul qui écrit jamais sur le site. Hein. Non, mais donc, il m'a dit que le petit Nemo, il est bien gentil, mais s'il écoute que les podcasts et qu'il vient pas lire les critiques. Hein. Il m'a dit qu'il me trouvait c'est drôle. De l'humour, bien sûr, il m'a dit qu'il me trouvait drôle, et à juste titre, j'ai pas envie de le contredire là-dessus. C'est vrai qu'ils sont pas nombreux, donc. Prends les compliments. Voilà, donc je suis très. D'ailleurs, on avait partagé une de ses critiques de l'autre côté de l'image, son site. Oui. D'accord, ce Nemo-là, oui. Bah, voilà. C'est moi qui ai partagé. Oui. Moi, il me préfère moi quand même à l'arrivée. Oui. Donc tu vois, c'est moi qui partage. Alors, c'est moi qui partage tes critiques, mon cher Nemo. Hein, voilà. Alors. Ça commence direct là. Mais en tout cas, ça fait plaisir parce qu'il nous écoute dans le bus et tout. Ça fait super plaisir, franchement. Non, merci mais... Nemo, hein. Ouais, on a eu, partager des critiques. Et surtout, nage droit devant toi. Nage droit devant toi, Nemo, surtout. Tout le monde a dû lui faire. Oui, je pense que tout le monde a dû lui faire. Mais voilà, on a eu un peu la chance d'interagir avec lui. Moi aussi sur Twitter à un certain moment aussi, donc voilà, c'est toujours, ça fait toujours plaisir. J'ai trouvé sa critique de Miss Peregrine vraiment très intéressante. Mmh, oui. Donc c'est pour ça que je l'ai partagée, parce que nous, on l'a pas encore vu. On a eu la chance de le voir en avant-première et voilà. Et ce soir qu'on va le voir, manifestement. Non, je pense pas. Et vous savez que cet après-midi, je me suis dit, ce soir, je vais au cinéma. Et en me préparant à partir, je me suis dit, oh, mais non, j'ai le podcast enregistré. J'étais sur le point de vous lâcher, mais vraiment. Vous m'auriez envoyé un message à cette heure-là, Morgane, on t'attend. Le malaise. Hein. Je suis dans le bus. Ouais, je suis dans le bus. Genre. On l'aurait fait tous les deux. Hein. Non. Après, Nemo nous aurait pas écouté. Voilà. Après ces remerciements et voilà. Si tu aimes tellement si Nemo aime tellement le Morgane dans le podcast, on l'empêche pas de partager notre podcast sur son. Ah, il le fait tout sur le temps. Son site, si c'est déjà sur fait. Le site, d'accord. Je sais pas. En tout cas, sur son Twitter, il nous retweet à chaque fois. Oui. Donc voilà, merci encore Nemo et de toute façon je pense que tu commenteras dans les commentaires au vu de ce message. Donc on va passer au sommaire, on commencera avec une sélec où on parlera entre autres de Nocturama, Éternité, Blair Witch, Prison Experiment, Kubo et l'Armure Magique, Les Chevaliers Blancs et Quand on a 17 ans. Et ensuite, on passera au film du mois, donc juste la fin du monde. On aura sûrement pas mal de choses à dire, puisque le film a quand même fait pas mal débat. C'est le moins qu'on puisse dire. Et on finira avec une minute nerd spéciale Morgan. C'est lui qui va la faire. Nous, on n'en aura rien à voir avec tout ça. J'ai eu peur, j'ai écouté dire nous, on n'en aura rien à foutre. Aussi, non, non. Mais... Oui, je pense qu'il dit... Ouais, je pense, au vu de ce que... Donc, ouais. Clairement, je m'en fous. Non, mais surtout, en ce moment... Je t'écouterai avec attention, quand même. Oui, non, mais c'est-à-dire qu'en ce moment, je force un peu avec ça, mais vous verrez. Ouais, vous verrez, on vous garde... De toute façon, c'est pas une très grande surprise, si vous connaissez... Ceux qui suivent Morgan, ils seront pas surpris, hein. Je pense qu'on les a emmenés. Non, non, je pense que... Y a pas 36 000 sujets... Si vous faites partie des chanceux, être dans le Facebook de Morgan... Ouais... Donc voilà, donc ce sera notre émission. Je pense qu'on va faire une. Enfin, on avait quand même un plus de films à la base, mais bon, on en a enlevé un peu parce que sinon. Voilà, on va pas faire des podcasts de 3 heures non plus, hein, même si on a déjà fait. Pas tout le temps. Hein, c'est, on essaye de faire ça à des occasions exceptionnelles. Donc voilà, on va passer tout de suite à la rubrique La Sélec. Donc on est à la première rubrique de ce podcast, la Sélec, et on va commencer par Morgane, qui va nous parler de son coup de cœur de début septembre, même fin août en fait, Nocturama. Ouais, j'ai envie de dire de l'année aussi. Alors bon, je vous ai un peu fait chier avec Dernier Train pour Busan en disant que c'était le meilleur film de l'année, ouais. Mais il y a celui-là qui est en train... Steve Jobs aussi, oui c'est vrai, mais bon c'est bien de changer un petit peu. Donc là en l'occurrence je vais vous parler de Nocturama de Bertrand Bonello. Sorti donc film français sorti le 31 août, donc du coup je triche un petit peu, mais on va compter ça comme un film de septembre. Oui, ouais. Donc Bertrand Bonello, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le réalisateur de La Polonide, que je n'ai pas vu mais qui paraît excellent, mais surtout de Saint-Laurent avec Gaspard Ulliel, qui était pour moi absolument magistral. Largement meilleur que le film de Jalil Lesper, d'ailleurs. Ouais, parce qu'il y en a eu deux. Il y en a eu deux, et il y en avait un, c'était un biopic consensuel. Lui, il y avait un parti pris, il y avait de l'ambition, Quel acteur? Très artistique. Gaspard Ulliel, ouais. Et Léa Seydoux. D'accord, l'autre c'était Pierre Niney. Hein. Pierre Niney et Guillaume Gallienne. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, Niney était bien dans le rôle, mais après le film. Ouais, c'est le film qui posait le problème. Et même Léa Seydoux était bien dans le film de Bonello. Comme quoi, tout est possible. D'ailleurs, Gaspard Ulliel et Léa Seydoux, tiens, c'est. Tout se relie dans ce podcast. On les retrouvera plus tard. On les retrouvera plus tard, voilà. Qu'est-ce que ça raconte? Je vais essayer d'être un petit peu évasif, mais pas très. Parce que je trouve que le synopsis ne dit rien du tout. À la fois c'est bien, à la fois c'est pas bien. Donc, Paris un matin, une poignée de jeunes de milieux différents, chacun de leur côté, ils entament un ballet étrange dans les dédales du métro et les rues de la capitale. Ils semblent suivre un plan. Leurs gestes sont précis, presque dangereux. Ils convergent vers un même point, un grand magasin. Au moment où ils ferment ses portes, la nuit commence. Voilà le synopsis. Alors, c'est pas vendeur, mais je vais un petit peu préciser ce qui se passe. En gros, c'est une bande de jeunes qui vont organiser des attentats dans Paris et qui vont trouver refuge dans un grand magasin afin d'y passer la nuit en attendant que, en gros, les flics terminent leur enquête de façon à ce qu'ils puissent sortir, à être libres et à rentrer chez eux peinards. Donc c'est des attentats carrément. C'est des attentats. D'ailleurs, le film il est sorti, on va dire, au bon et au mauvais moment. Pourquoi au bon moment? Parce que il arrive après les attentats de novembre, après les attentats de Nice au mois de juillet dernier. Mais en même temps, les gens ont eu peur de ce film-là. Et d'ailleurs, j'en ai parlé avec l'exploitant du cinéma d'ARS dans lequel je l'ai vu, qui m'a dit que les gens, quand ils voient attentat, c'était encore trop frais par rapport à Nice. Les gens n'ont pas voulu aller voir ce film tellement ils avaient peur de la réalité des choses. De toute façon, il y a pas eu énormément de promos, parce que moi j'en ai entendu parler très tardivement en fait. Le film a eu, oui. En fait, il y a eu de la promo, mais elle a été un peu masquée par rapport à l'actualité en fait. Donc, et Bonello le disait bien que le film avait du mal un peu à se vendre à cause, parce que la réalité a rattrapé la fiction. Ce qu'il faut préciser, c'est que le film a été tourné en été 2015. On le voit d'ailleurs au tout début du film, on voit une affiche des 4 Fantastiques, donc avant les attentats de novembre. Donc du coup, le film est extrêmement visionnaire quand on le regarde, et c'est absolument angoissant. Et plus que visionnaire, c'est pour moi ambitieux. et audacieux. Audacieux, pardon. Et ce qui est intéressant dans le film, c'est la façon dont Bonello nous dresse le portrait d'une génération de jeunes qui ne sont absolument pas stéréotypés. Ils sont même très attachants, ce qui est un petit peu troublant quand on le regarde, parce qu'on sait qu'ils ont fait des attentats, qu'ils ont fait du mal, mais on est quand même attaché à ces bandes de jeunes. Pourquoi ? Parce que... Il y a une raison C'est un ras-le-bol. C'est à aucun moment... Alors moi, quand j'avoue, hein, comme tout le monde, quand on parle d'attentats, forcément, on pense à un certain groupe que je ne citerai pas. Voilà. Et à aucun moment, le film n'en parle. Et moi, je croyais que ça allait parler justement des jeunes radicalisés. Pas du tout. C'est juste des jeunes issus de milieux différents. Alors, il y en a un, c'est un banlieusard. Il y en a un, il est à Sciences Po. Il y en a un, agent d'accueil agent de surveillance et tout. Mm-hmm. Ça démontre juste que le ras-le-bol de la politique, du fait que les jeunes d'aujourd'hui se sentent pas écoutés, pas que leurs paroles, c'est un film coup de gueule, non ? C'est un film coup de gueule, voilà. C'est pas un film politique, c'est pas un pamphlet politique anti-Daesh, etc. C'est un film d'énervé. Il y a un léger discours politique derrière, mais Bonello, c'est en plus fait... C'est anarchique. Voilà, exactement. Ouais. Et Bonello, en fait, il s'intéresse avant tout à l'humain. Et en plus de dresser un portrait générationnel qui pour moi est plus que jamais d'actualité, parce que quand on voit ce film-là, on est frappé par le réalisme absolument dingue et même les personnages dans leurs réactions, dans ce qu'ils disent, c'est des choses qu'on pourrait nous dire. Je pense à une scène magnifique, mais tout en sobriété, où il y a un caméo d'Adèle Haenel qui est dans la rue, où un des personnages sort du magasin pour voir un petit peu comment ça se trame dehors, si les flics sont pas à leur recherche. Il va voir Adèle Haenel en lui disant qu'est-ce qui se passe, et Adèle Haenel lui répond il y en a qui disent que c'est la guerre, d'autres qui disent que c'est une révolution, de toute façon ça devait arriver un jour. Et cette scène là dit tout. C'est vraiment à ce moment là que j'ai compris que le film, c'était pas un film politique, c'était juste un film anarchique, un film d'un mec qui en a ras-le-bol, qui comprend un peu ce que les jeunes ressentent, et ça fait du bien de voir un film comme ça. En même temps, ça fout un peu les jetons, je le cache pas. Parce qu'effectivement, quand on voit les récents événements, on a peur, parce que on se dit que ça pourrait arriver n'importe où, parce que concrètement, les attentats qu'ils font, c'est à des endroits de Paris qui sont bien précis et très prisés par des civils. Donc, mais en même temps, ce qui est bien, c'est que justement le fait de ne pas être tombé dans le côté Daesh et compagnie, ça démontre que le mal, il n'a pas une religion, si vous voyez ce que je veux dire. Et je trouve que c'est extrêmement important de voir ce film-là, parce que c'est juste un constat lucide sur la société actuelle et sur comment elle est perçue par les jeunes qui en ont marre. Et même quand d'apparence quelqu'un a une bonne situation, il a le droit d'être énervé, d'en avoir ras-le-bol, de trouver que la politique fait n'importe quoi et de pousser un coup de gueule. Donc c'est un peu extrémiste. Enfin, évidemment, c'est une métaphore. Voilà, toutes ces immeubles qui pètent, c'est une métaphore de la colère. Mais en même temps, c'est montré avec tellement d'ambition et tellement de maîtrise. Je veux dire, Bertrand Bonello, pour moi, c'est quand même un des réalisateurs français les plus ambitieux. Parce qu'on dit souvent que l'ambition en France, il y en a plus. Et quand je vois ce film-là, je me dis que non, j'ai envie d'y croire. C'est dommage parce que le film, il marche pas tant que ça. Les retours, c'est un peu mitigé. Il y en a qui adorent, il y en a qui détestent. Mais c'est une réalisation magistrale, des acteurs absolument géniaux. Notamment l'acteur principal qu'on avait vu dans Les Survivants, je crois, avec François Damiens. Et ça, il s'appelle Finnegan Oldfield. Donc c'est des jeunes acteurs en devenir et j'espère qu'ils seront nominés au César meilleur espoir masculin. Enfin, le film mérite des récompenses. Parce qu'il est beau, il est captivant et il s'autorise entre deux scènes de tension. Il y a des moments de légèreté à base de chansons telles que My Way et Call Me de Blondie jusqu'à un climax de fin qui m'a juste terrassé. J'étais en vrac à la sortie tellement j'étais choqué. Parce que je vous promets que vous n'écouterez plus jamais le générique d'Amicalement Vôtre de la même façon après avoir entendu le film. C'est-à-dire que je n'avais pas vu un tel climax de fin, une telle pression depuis, je crois, Zero Dark Thirty de Catherine Bigelow. C'est même meilleur. Je crois que les 20 dernières minutes sont juste, mais d'un point de vue cinématographique, c'est extraordinaire. Parce que ça joue justement, en termes de montage, j'ai oublié d'en parler. C'est-à-dire que ça joue aussi sur les points de vue, parce que comme on filme plusieurs personnages dans un lieu clos, le film s'autorise des petits moments de retour en arrière. Par exemple, quand il y a un coup de feu qui est tiré, bah la scène repart en arrière, mais on entend ce coup de feu en ayant la vision d'un ouais. personnage différent. Donc on voit comment un événement a une répercussion différente sur, et c'est absolument. C'est une narration omnisciente. Quoi. Exactement. C'est brillant, brillant, brillant. C'est un film à voir. C'est un choc monumental. C'est le film français ultime de l'année. Et depuis, c'est, je crois, ça fait 5-6 ans que j'ai pas vu un film. Bah, depuis Holy Motors, quoi. Vraiment. Puis Holy Motors, j'avais pas vu un film français qui m'avait. Mais Holy Motors, c'était un peu plus. Allez, disons-le, je vais être honnête. Peut-être un peu plus élitiste, un peu un télo, voilà. Faut être honnête, hein. Un peu beaucoup. Voilà, je comprends qu'on se fasse chier. Mais Nocturama, c'est suffisamment. Voilà, c'est suffisamment proche de la réalité, enfin, on peut que s'identifier à ce film, même si on partage pas forcément ce que les jeunes pensent et, enfin, le discours de ces jeunes-là. Mais en même temps, voilà, c'est plus que jamais, c'est un film vrai. C'est un film à voir. Dès qu'il sort en Blu-ray, mais regardez-le. Voilà, je peux que vous le conseiller. C'est pour moi la petite bombe de l'année. Pour l'instant. Ouais, mais justement, quand t'en parlais, et là tu as très bien aussi parlé du film, quand on parlait sur les réseaux sociaux, ça me tentait vraiment, mais le problème c'est qu'il a, enfin, personnellement, il n'a pas été distribué. Ouais. À cause de ça. Hein. Ouais. Bah, chez moi, il n'est pas du tout à l'affiche non plus. Hein. Bah, non, c'est mon. Honnêtement. Je pense qu'il n'est pas resté très longtemps à l'affiche. Bah, il est resté deux semaines dans mon cinéma d'art essai et il y avait beaucoup d'affiches dans au Gaumont, au Pâté, mais ils ont même pas eu le droit de diffuser le film, quoi. C'est des petits cinémas qui l'ont fait, et c'est dommage, quoi. S'il faut aller dans des petits cinémas d'art essai pour voir des films comme ça, c'est dommage, mais en même temps c'est la règle du jeu, quoi. Mais Bonello, voilà, c'est un réalisateur que c'est un des derniers grands réalisateurs en France. Alors bon, on lui fait un procès parce que il est souvent à Cannes, et d'ailleurs c'est un scandale que ce film n'ait pas été nommé à Cannes. C'est vraiment un scandale. Et je sais que... Mais ouais, je sais pas, c'était peut-être un peu trop. C'est toujours, enfin, c'était peut-être un peu trop frais pour eux. Oui, sûrement un peu trop frais. Mais bon, après, quand on regarde bien, il y a eu les attentats de Nice et le film est sorti un mois après. Donc bon, s'il faut s'en tenir à la réalité pour pas sortir les films, on fait plus rien, quoi. Non, donc, oui, ouais, c'est. Mais bien, on l'a vu avec Made in France. Hein. Voilà, mais bah, Made in France, c'était pour le coup plus dans le sujet. Vu, hein, là, c'est un peu éloigné quand même, quoi, parce que c'est des attentats, mais c'est pas Daesh. Effectivement, le nom de Daesh est cité, on voit des bandes de, il y a écrit Daesh n'a après, pas remonté. Made in France, c'est pas, enfin, il cite pas forcément Daesh non plus, mais. Bon, enfin, il parle de la radicalisation, quoi. Ouais. Voilà, donc là, mais et à aucun moment. Ils sont vraiment dans la radicalisation. Voilà, là, c'est pas pour du l'état, tout. Enfin, pour l'État islamique, en tout cas. Voilà, alors là, pas du tout. À aucun moment, justement, ils montrent ce qui est bien aussi dans le film et ce qui est très lucide. À chaque attentat, tout de suite, on parle de Daesh. C'est écrit. On voit, il y a une scène où ils regardent la télé, ils regardent les infos pour voir un peu ce qu'on dit sur ça. Et effectivement, ils parlent de Daesh. Ils parlent de. Et eux, ils sont là, mais nous, on sait que c'est pas Daesh. Et d'ailleurs, ce qui est très troublant, c'est que les personnages, même moi, hein, je vais l'avouer. Le fait que ce soit pas des radicalisés, des terroristes, voilà, assumés, on va dire, bah, ça m'a peut-être aidé à les trouver attachants. Du coup, ça me fait aussi poser des questions sur moi. Est-ce que le fait d'être concerné par leur, de comprendre leur coup de gueule, parce qu'effectivement, c'est des attentats non pas pour blesser, mais c'est des attentats pour parler, pour faire passer un message. C'est pas dans le but de tuer. Parce qu'effectivement, voilà, y a pas de mort civile dans le film. Quoique, je vous laisse la surprise. Elles sont peut-être un peu. Enfin. On va dire c'est dommages collatéraux. Oui, ouais, c'est plus des accidents, on va dire. C'est plus, hein, voilà, c'est. Mais. Oui, alors que Daesh, c'est vraiment pour tuer. Voilà, que là, c'est vraiment pour dire on en a marre, il faut qu'on s'exprime et on nous écoute pas, et ben on va le faire. Et c'est, voilà, il y a des scènes vraiment, enfin, il y a une scène qui a été filmée dans l'Elysée. Enfin, c'est vraiment, mais incroyable, quoi. C'est le film d'une telle ambition et d'une telle maîtrise. Ça concilie les deux. Il y a l'ambition, la maîtrise. Pour moi, c'est un film, c'est un chef-d'œuvre. D'accord. Voilà. Okay. Bon, ben, tu vas pouvoir passer à un autre film. Ah, là, pour le coup, je vais être beaucoup moins enthousiaste, alors que j'aurais voulu l'être. Donc, je vais parler d'Éternité de Tran Anh Hung. Je ne sais pas qui c'est. Ouais. Le réalisateur d'Éternité ou réalisatrice, je ne sais plus. J'attendais énormément ce film. Pourquoi? Parce que c'était l'histoire de, donc c'est l'histoire, hein, de c'est un portrait de femme à travers trois générations, donc de famille, hein, voilà, à travers trois générations. Donc concrètement, c'était un mélange de Cloud Atlas et The Tree of Life. Donc logiquement, j'achète. Et j'aurais pas dû, parce que le film a souffert un peu de ses conditions de tournage un peu catastrophiques, parce que pour resituer la chose, les producteurs ont un peu coupé ils ont un peu coupé les vivres aux réalisateurs, ce qui fait que les budgets ont été resserrés. Donc ils ont dû faire le film avec les moyens du bord, et malheureusement c'est pas les meilleurs moyens qu'ils ont utilisés. Parce que c'est l'exemple même pour le coup du film français qui a 20 ans de retard en matière de réalisation et de narration. On a vraiment l'impression d'être devant un épisode des Feux de l'amour, mais qui dure 2 heures. Mais vraiment, c'est un soap, hein. C'est filmé à la manière d'un soap, c'est joué à la manière d'un soap, c'est orchestré à la manière d'un soap. C'est-à-dire que le jeu des acteurs, il est outrancier, ils en font des caisses. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a du monde à l'affiche, hein. Il y a Audrey Tautou, Bérénice Bejo, Mélanie Laurent, Jérémy Régnier, Pierre de la Longchamp. Donc a priori, des acteurs qui, quand on leur donne des beaux rôles et quand on les dirige bien, ils sont capables de faire des choses formidables. Bérénice Bejo, on en a parlé justement dans l'économie du couple, et Mélanie Laurent est une bonne actrice, même si la femme en elle-même est assez franchement détestable. Mais, d'un point de vue personnel, hein, en interview, je la trouve assez imbuvable. Mais là, voilà, les acteurs n'y croient absolument pas, ils en font des tonnes, c'est du surjeu permanent, une réalisation à base de plans rapprochés, de gros plans sur les yeux en larmes des acteurs pour forcer l'émotion. Donc l'émotion est tellement forcée que du coup ça ne vient jamais. On a aussi envie de buter clairement le pianiste parce qu'il y a du piano en permanence pendant le film pour appuyer encore plus les scènes d'émotion. Déjà, imaginez le truc, il y a le piano, les gros plans sur les yeux en larmes, c'est-à-dire que clairement, je vais inventer un nouveau terme pour ce film. Il y a les films lourds et il y a les films obèses. Éternité, c'est un film profondément obèse à tous les niveaux. Ça suinte, c'est même pas mièvre, c'est ridicule, risible. C'est ni fait ni à faire, c'est pas émouvant et c'est épouvantablement ennuyeux. Donc c'est une grosse déception parce que j'attendais ce film-là. Et je pestais contre les distributeurs qui visiblement ne voulaient pas distribuer le film. Et j'étais très content que mon cinéma d'arrêt diffuse ce film. Mais quand je suis sorti, je peux vous dire que je faisais vraiment la gueule. Parce que c'était pire qu'un mauvais film. C'est une déception colossale. Et j'avais envie je l'attendais. Et, parce que la bande-annonce est plutôt jolie. Mais là, même dans l'esthétique, quoi, les couleurs sont... On a l'impression qu'on a mal réglé. Vous savez, on a mis les couleurs trop fortes. Du coup, ça clinque. Enfin, c'est agressif et mauvais, quoi. Voilà. N'allez pas voir et ne le regardez pas. C'est un peu la rencontre entre Tree of Life et Claude Atlas qui se fait jamais, quoi. Ah mais totalement, parce que voilà, Tree of Life, c'est la subtilité incarnée, la perfection incarnée, si je puis dire, ce film. Claude Atlas, c'est émouvant parce que en plus, voilà, il y a le même procédé des maquillages, mais dans Claude Atlas, autant c'est vrai, dans Claude Atlas, c'était pas parfait. Mais ceux qui disaient que Claude Atlas c'était pas parfait, je leur défie de voir Éternité. Parce que voir Audrey Tautou grimée en mode Tati Daniel, c'est quand même, ça fait plus rire que ça fait pleurer, quoi. Et il y a pas d'émotion, quoi. Veut tellement trop. C'est trop. C'est un film qui est lourd. Vraiment lourd et. Mm-hmm. Oh, j'ai souffert. Voilà. D'accord, ok. Bon. moi ça me tentait bien. Je sais pas, j'avais vu la bande annonce. La bande annonce est très très belle, mais bon, après on m'a averti qu'après quand j'avais posté des tweets un petit peu assassins, je dois dire, on m'a dit non mais le film a mal été, enfin au niveau des conditions de tournage, ça a été compliqué et ça se voit. C'est dommage parce que je pense qu'il y avait de quoi faire une grande fresque ambitieuse pour le coup. Seulement voilà, on se retrouve avec un épisode des Feux de l'amour version Frenchie, quoi. C'est un soap horrifique pour le coup. D'accord, ok. Voilà. Bon. Désolé. Bon, ok. Bon, c'est pas grave. Hein. Et le titre ne ment pas sur le film. Hein. Vraiment, ça dure une éternité. Hein. Mais vraiment, j'avais envie de quitter la salle. Je me suis même, c'est rare, hein. Je me suis dit, il faut que je dorme. J'avais envie de dormir pendant ce film pour que le temps passe vite. Et j'ai pas pu dormir, donc voilà. J'ai dû subir jusqu'au bout. D'accord, ok. Bon, on va passer à un autre film. Donc, ce film-là, on l'a vu tous les trois. Donc, on va pouvoir donner tous les trois notre avis. C'est Kubo et l'armure magique en français. Le titre anglais, Kubo and the Two Strings. C'est Kubo un et film... les deux strings, alors. Et les deux fils de cordes. De cordes. Voilà. donc, c'est un film d'animation produit par Laika. Réalisé par Travis Knight sur un scénario de Mark Ames et Chris Butler. Donc le film est sorti en France aux États-Unis le 19 août 2016 et en France le 21 septembre 2016. On en avait parlé dans un Enfin, j'en avais parlé dans un Parlement Cinéma. Je sais pas si tu te souviens, Morgane. C'était en juillet ou en août. J'avais parlé du film et toi, tu me disais, ouais, j'ai jamais entendu parler de ce film. Moi non plus. Ouais. Oui, c'est le cas de le dire. Entendu parler. Et moi, c'était un des seuls trucs qui m'avait enthousiasmé durant ce mois où on avait parlé des news. Il y avait des grosses bandes annonces de Wonder Woman, etc., qui m'avaient pas super bien emballé. Mais celle-là, oui. Mais je me souviens. Celle-là, j'y croyais. Mm. J'y croyais vraiment. Alors, je sens que parce que j'ai gardé un peu mon avis par rapport à ce film. Vous pouvez voir la note que j'ai mis sur Sens Critique, mais j'ai été vraiment très très partagé avec le film. Je l'attendais énormément. J'ai pas le même avis que mes deux comparses, donc et que pas mal de gens, le film fait l'unanimité. Ah oui, hein, il fait vraiment l'unanimité. Alors attention, je ne dis pas que c'est pas un bon film, hein. Je ne dis pas ça, mais pour moi il y a des problèmes qui m'ont un peu gêné durant le film et qui m'ont empêché de vraiment apprécier comme je pouvais l'attendre, en fait. Ce à quoi je m'attendais, c'était pas vraiment ce que j'ai retrouvé. Donc, pour parler déjà d'un premier truc, c'est que la réalisation, comme on pouvait s'y attendre, c'est magnifique. C'est vraiment c'est impressionnant au niveau de l'inventivité des studios Laika. Alors, j'ai pas vu les autres films du studio Laika, qui sont Coraline, L'étrange pouvoir de Norman et Les Box Trolls. J'en ai vu aucun. Coraline, il est dispo sur Netflix, mais ouais, c'est vrai que je prends pas le temps de le regarder. Mais il est aussi dans ma liste, il faut que je le voie. Mais de ce que j'ai pu voir, en tout cas, c'est des studios qui savent ce qu'ils font, en tout cas, et qui font vraiment des super belles choses. J'ai même pas dit que c'était un film qui s'est fait en stop motion, donc c'est en assez. Partie. Oui, en partie, en tout cas pour les personnages. Certains décors aussi, d'autres sont sur fond vert, en tout cas, tous les personnages sont en stop motion, et c'est vraiment super impressionnant parce que on arrive à un niveau dans la stop motion, on a même plus l'impression, on a vraiment l'impression de voir quelque chose qui est sorti d'un ordinateur. Il me semble qu'il y a un peu numérique quand même, hein, vers la fin. Les personnages. En fait, il y a de l'animation, il y a du stop motion, de l'animation 2D et du digital. Ouais, mais ça c'est pour les décors et les environnements surtout. Les personnages, c'est. Il y a beaucoup de choses qui sont faites à l'imprimante 3D. Oui, voilà. Oui, aussi, d'ailleurs. Donc voilà, moi ce qui m'a vraiment impressionné, c'est la réalisation qui est nickel. Les combats qui sont. Qui sont vraiment super impressionnants. On prend vraiment plaisir à voir le film juste pour ça. La fluidité. Ce qui m'a le plus bluffé. Moi, ouais. La fluidité que ça a, j'ai revu récemment Chicken Run. C'était vraiment impressionnant pour l'époque et ça l'est toujours un peu. Mais par rapport à Chicken Run, c'est quand même quelque chose d'autre. Ça m'a vraiment super bluffé au niveau de la fluidité, tout ça, les combats, l'inventivité aussi au niveau des monstres, qui sont repris un peu du folklore japonais. C'est pas, en fait, c'est un peu comme Disney quand ils reprennent du folklore, c'est un peu à leur guise, c'est pas super je trouve pas le mot, c'est pas complètement fidèle. Voilà, ils prennent un peu ce qu'ils veulent du folklore et ils en font une histoire. Ils piochent, etc. J'ai même pas raconté un peu l'histoire. Donc ça parle de Kubo, d'un jeune garçon qui est dans un village littoral du Japon médiéval et qui s'occupe de sa mère qui, on l'apprend très vite, a subi un traumatisme crânien. Enfin, on le voit au début du film. À certains moments, elle a des grosses pertes de mémoire, elle se souvient même plus de rien. Et à certains autres moments, elle a des moments de lucidité. Kubo gagne sa vie en racontant des histoires avec son instrument. C'est une guitare, une genre de guitare sitar. Quoi? Et pour moi, c'était un luth. Ce que j'ai cherché, l'instrument. Non, moi, je suis tombé sur un luth shamisen. C'est shamisen, pardon. Voilà. Je cherchais d'accord, le mot. D'accord, donc je m'étais pas trompé. C'est un shamisen. Donc, c'est un instrument médiéval japonais. Donc, il raconte des histoires. Il fait. prendre vie à des morceaux de papier qui racontent des histoires d'un samouraï légendaire qui, ben, on l'apprendra plus tard, non, mais enfin très très très vite, que c'est l'histoire de son père qui raconte. Mais il connaît pas vraiment la fin, voilà, il connaît pas tout ça. Et après, bon. Bah, puis le but, c'est qu'il écrive l'histoire, quoi. Voilà, c'est ça. Je vais pas tout raconter parce que sinon ça va vite spoiler. Donc du coup, voilà, c'est l'histoire de base. Mais après, faut juste savoir qu'il doit partir dans une quête pour trouver des objets. Voilà. Façon Harry Potter, je trouve. Il y a un côté un peu. Je sais pas si. Ouais. Ouais. Il y a beaucoup d'influence ouais. Harry Potter, je trouve. Hein. Ouais, enfin oui, c'est. J'avais pas pensé en regardant le film, mais voilà. Donc ouais, moi ce qui m'a vraiment impressionné, c'est au niveau des personnages aussi qui sont vraiment attachants et différents de ce qu'on pourrait retrouver dans les films d'animation habituels. L'humour aussi qui est vraiment très très spécifique, c'est un humour vraiment style anglais, mais qui est pas appuyé, et ça c'est ce que j'ai vraiment trouvé excellent dans le film. Il y a pas de burlesque, je trouve, c'est voilà, très fin, ou quasiment pas, même le scarabée, comment on dit, ouais, qui fait un peu office de comic relief, ben ouais. Oui, il y a beaucoup de blagues, mais il est pas ouais, mais l'humour est pas appuyé, alors il que pas archi lourd. Ouais, c'est ça qui est, pour un film d'animation surtout, quand tu vas voir ben Kubo maintenant dans les salles, et que tu tapes les 3-4 bandes annonces des prochains films d'animation qui vont sortir, et que tu vois toutes les blagues qui sont appuyées à fond pour te le faire rentrer, pour te faire rigoler. En fait, on a envie de te faire rire, et à un tel point que t'en rigoles pas. Et là, c'est tellement fin, tellement subtil que. Et ça passe très vite, en fait. C'est un truc qui arrive parfois dans le background ou quelque chose, et tu le vois. Ce qu'il y a, c'est que le Comic Relief, en plus, n'a pas forcément. Enfin, ils ont été assez intelligents pour pas écrire une scène que pour que le Comic Relief fasse rire. S'il fait rire, exact. C'est parce qu'il va lancer une réplique comme ça, mais c'est tout. Ça s'arrête là, quoi. C'est pas. Ouais. Il casse pas l'action pour faire une scène drôle. Exactement, ouais. Et ça, c'est ce que j'ai vraiment trouvé bien. Au niveau aussi du casting vocal, moi, je l'ai vu en VO. J'ai pas VF. J'ai pas vu qui s'occupait de la VF. Même sur Wikipédia, il s'est même pas indiqué, alors pour vous dire. La VF de Charlize Theron est là, hein. Oui, et la D'accord. VF du Scarabée, c'est Jérôme Powell, celui qui double Jérémy Renner, entre autres. Qui double Jérémy Renner. D'accord. Et okay. Hurley dans Lost. Ouais. Ah oui, pas con, oui. Ouais. Donc, en VO, le casting est assez impressionnant. Donc, Art Parkinson, qui fait la voix de Kubo, qu'on connaît bien sûr de Game of Thrones, entre autres. Matthew McConaughey, qui joue le rôle du scarabée, Charlize Theron, qui est le singe, Rooney Mara, George Takei, Ralph Fiennes. Il y a George Takei qui joue qui vient de Star Trek, hein, c'est ça ? Oui, c'est l'acteur original qui jouait Sulu, pardon. Donc, il a même ses petites répliques, ses blagues super connues qu'il fait souvent dans les shows télé. Ils arrivent à les intégrer dans le film. C'est vraiment super bien fait. Donc voilà, au niveau du casting vocal, j'ai vraiment rien à dire. La musique est vraiment de qualité. Ça sort pas de l'ordinaire, mais c'est dans les canons de ce à quoi on s'attend avec ce genre de production. Il y a la chanson. La BO ? Ouais. Oh, moi, je la trouve vraiment très très jolie. Hein. Ah oui. Oh, la BO, qu'est-ce qu'elle est belle. C'est une je trouve qu'il y a une belle adaptation de sonorité très japonaise, asiatique, ouais. Avec quelque chose de beaucoup plus hollywoodien, et je trouve que c'est un mélange qui fonctionne très bien. Même la musique de fin, la musique additionnelle, enfin la chanson de musique de fin, elle est magnifique. Ouais, ma guitare là, c'est ouais. Alors ça c'est c'est la musique, non, c'est George Harrison aussi, enfin c'est George Harrison. C'est lié, oui. C'est la chanson de George Harrison qui est reprise par Regina Spektor, et qui est vraiment très bien, j'allais dire. Depuis ça c'est pour moi les points positifs du film. Par contre, il y a au niveau du scénario, il y a quelques trucs qui m'ont. Ben, c'est pas un exemple de défaut, il y a quelques trous dans le scénario, il y a des choses qui sont pas beaucoup expliquées, et ça sort un peu de n'importe où, surtout au niveau des enjeux de la quête qui sont expliqués de manière assez confuse. J'ai aussi eu un problème avec la fin qui, personnellement, m'a déçu. Vaincre le méchant avec le pouvoir de l'amour, enfin voilà, des trucs comme ça qui sont vraiment très. Au départ, en sortant de la salle, j'avais pas trop compris. Hein. Ben oui, voilà, c'est Alors attends, je suis pas sûr d'avoir capté la fin. Oui, oui, mais c'est très. Enfin, je sais pas. Il y a des problèmes comme ça qui m'ont un peu gâché le film, je trouve, et c'est pour ça que ça en fait pas un film parfait. Il y a aussi quelques problèmes de rythme qui apparaissent par-ci par-là. Qui rendent le film par rapport à l'animation. Parfois, c'est pas aussi fluide au niveau de la narration. Moi, c'est ça, c'est un film en partie en stop motion comme ça. Je me suis dit, oh, bah, ça va faire 1h20, 1h30. Non, ouais, et là, ça fait 1h45. Et je me suis dit, putain, c'est. Et au bout d'un moment, enfin, il y a des moments où on sent un peu la longueur. C'est pour ça, il y a quand même des petits problèmes de ce niveau-là. Et pour moi, alors là, c'est vraiment très personnel. Par contre, c'est au niveau de l'émotion, le film n'a pas marché pour moi. Et Dieu sait que j'aurais envie. Je voulais que l'émotion fonctionne sur moi. J'avais tellement envie que l'émotion fonctionne sur moi, que j'ai pas pu. C'est comme. Alors que moi j'ai failli pleurer au bout de 4 minutes, je crois. Ah, la scène d'intro. Oui, je sais. Non, c'est la scène où il fait à manger et on sait pas que sa maman est toujours avec lui. Et je le vois. Et en fait, c'est quand je l'ai vu poser son bol de riz à lui et en poser un autre. Et alors là, les larmes, elles sont montées d'un seul coup. Mais elle s'est redescendue parce que on voit sa maman finalement, mais au départ je me suis dit, ah, c'est horrible quoi. Enfin, il est tout seul et il arrive pas à faire le deuil de sa maman et tout. Ça m'a vraiment touché et bon, c'est retombé parce qu'après on voit qu'il y a sa maman, mais déjà je me suis dit, bon d'accord, si le film part comme ça, moi je suis pas rendu jusqu'au bout. Ouais, mais j'ai vraiment essayé au niveau de l'émotion, c'est comme se forcer de pleurer quoi, c'est pas possible. Et j'aurais vraiment voulu que ça fonctionne sur moi. En plus, c'est des thèmes qui personnellement me touchent, hein. C'est des trucs qui m'ont déjà fait ressentir des émotions très fortes dans d'autres films, mais là, je sais pas qu'est-ce qui a pas fonctionné sur ce film. C'était pas mon humeur de la journée, hein. Même si je suis un peu énervé parfois, je regarde un film qui me rend triste, il y aura pas des ouais possible, mais en tout cas pour moi c'est un bon film d'animation pour conclure, c'est un bon film d'animation. Pour moi, c'est pas le chef-d'œuvre que tout le monde annonce, dû à ces trop grandes faiblesses de scénario, ces trucs qui sont pas expliqués, qui sortent un peu de n'importe où, enfin voilà, c'est ce que j'ai ressenti au niveau du film. C'est pas un mauvais film et je vous le conseille toujours d'aller le voir parce que c'est un petit film d'animation, enfin c'est pas un très grand budget et c'est assez impressionnant. Et pourtant... juste pour la qualité de l'animation, le film vaut le coup, voilà. Je vais après avoir dit ça, je vais essayer la parole peut-être à Eddie. Oui. Si tu veux rajouter quelque chose. J'ai un avis plus nuancé que Morgane en plus, donc. Ouais. On finira en beauté, je pense. Voilà, c'est ça en fait. On va y aller crescendo. C'est ça, on y va crescendo. Alors moi du coup, je suis assez d'accord avec toi. Hein, l'animation, enfin je trouve ça parfait. Ouais. Et puis je trouve que c'est vraiment au service de l'histoire en plus. Donc, oui. C'est pas juste un dispositif, c'est que tout a un sens quoi. L'animation sert à rendre. C'est pas un gimmick. À cet univers-là, parce qu'il y a les origamis, il y a plein de choses. Et alors moi, contrairement à toi, j'ai bien aimé cette vision du Japon médiéval, un petit peu fantasmée comme ça, qui finalement rend aussi hommage au conte européen. Parce qu'on retrouve le côté, j'ai mis dans ma critique, hein, je me cite, mais on retrouve le côté, les forêts, les montagnes et tout. Ça m'a vraiment évoqué ça en fait, tout ce qu'on peut lire dans les contes. Ouais, c'est une imagerie. C'est un univers très oriental avec une imagerie finalement très très occidentale. Et oui, justement, c'est ça qui m'a. Ça m'a beaucoup plu ça en fait. Ouais. En fait, moi j'ai l'impression que c'est un peu le Japon vu par les occidentaux. Ils ont pris quelque chose, ils l'ont recraché à leur sauce. Et c'est un peu ça qui m'a dérangé. Mais sinon, enfin, bien sûr, l'univers est très très bien. Oui, mais après, je trouve que c'est pas une vision négative du Japon. Non, en plus, non, c'est complètement. Fait dans un certain respect. Ouais. En non, fait. C'est fait dans un respect, ça c'est sûr. Et puis de toute façon, de manière générale, je trouve que le film ne tend pas à représenter une culture. Complètement. Il l'utilise pour raconter son histoire, quoi. Ouais. Après les personnages, je les ai trouvés très attachants aussi, surtout Kubo qui je trouve a vraiment il y a un vrai traitement, mais après Madame Singe, Scarabée, même sa maman finalement qui a vraiment c'est très intéressant, je trouve, ce qu'ils font des personnages. La BO j'ai trouvé très bien aussi. voilà. Après, moi, je trouve que c'est en fait un film qui est marqué par un imaginaire très fort. Donc là, c'est ce qui fait que c'est vraiment une fable. C'est un vrai conte, quoi. C'est pas le simple film de parcours initiatique. Je trouve que ça va plus loin que ça parce que finalement, ça touche à des thèmes très très forts. Le scénario est simple, mais les thématiques qui sont mises en place, elles sont d'une force assez assez dévastatrice, je trouve. Il y a vraiment parce qu'on est quand même dans un film qui est américain. Ça reste un film américain qui présente un univers japonais, mais ça reste un film américain et on parle quand même de souffrance physique parce qu'il faut pas oublier de dire que Kubo est borgne même. La souffrance mentale parce que sa mère finalement le traumatisme a vraiment laissé des séquelles. Moi toute la scène où il est avec sa maman là au début et elle regarde l'horizon et enfin moi c'est je sais pas ça m'a vraiment marqué. C'est des choses toutes simples. Mais après, au-delà de ça, on parle quand même de fratricide et de deuil. Alors ça, le deuil, les souffrances et tout, c'est quelque chose qu'on voit dans pas mal de films d'animation. Mais le fratricide, je crois que depuis Le Roi Lion, j'avais pas vu ça. Ouais. Et là, on est quand même dans un film où les tantes veulent tuer le neveu, le grand-père veut tuer le neveu. Enfin, il y a quand même un... C'est assez fort, quoi. Et je trouve que pour des enfants, c'est sombre, mais ils arrivent à adapter ça et... Pour moi, ça c'est une force de l'écriture, quoi, parce que c'est vraiment pas évident cette thématique-là à mettre en place et à la rendre accessible aux enfants, tout en leur faisant bien comprendre que qu'il s'agit vraiment d'une culture, d'un imaginaire, quoi, que c'est pas la réalité, mais que parfois la réalité c'est aussi horrible, on n'a pas toujours une enfance heureuse et tout ça. C'est un peu l'antithèse de beaucoup de films Disney quand même, hein. Faut pas, enfin moi qui suis fan de Disney, je le reconnais parfaitement. Tu vois ça m'a beaucoup plu tout ce qui a amené à tout ça, mais pour moi la fin détruit tout ça et revient à du Disney avec le pouvoir de l'amour qui va changer tout. C'est des choses qui sont pas, enfin voilà. Ouais, mais je trouve que c'est pareil, ça va au-delà de ça, quoi. C'est pas juste le pouvoir de l'amour, il y a vraiment sa magie, quoi, aussi qui joue. Oui, c'est totalement justifié quand même. C'est pas neuneux en fait. C'est vrai que ça pourrait être neuneux dans un Disney un peu Qui quand amène... tu vois la reine, c'est bon, tu prends la Reine des Neiges. Pas forcément, mais Moi ça me fait penser à la Reine des Neiges parce que finalement c'est l'amour d'Elsa pour sa sœur qui la sauve de détruit entre guillemets le cœur de glace, quoi. Oui, et ça m'a beaucoup fait penser à ça. C'est vrai que dans la Reine des Neiges c'est bon évidemment, mais c'est plus neuneux et tout, mais bon c'est Disney, donc on sait que de toute façon ce sera comme ça. C'est pour ça, quoi. Bon, moi ça me choque pas. Non, je pensais pas du tout à ce film là, mais même dans d'autres films d'animation, pas que Disney d'ailleurs, ça pourrait arriver comme ça, c'est la caution, il faut parler d'amour, parce que quand même, mais je trouve que, justement, cette idée de l'amour... Et pourtant, l'amour jalonne ce film-là, je trouve, quand même. Comment ? Je trouve que l'amour est vraiment au cœur du récit. Oui, voilà, c'est totalement justifié, parce que le film nous y prépare petit à petit, donc je trouve pour le coup que la morale est quand même... Parce que Kubo, finalement, ce qui se passe à la fin, c'est que... Kubo, il arrive au bout de son parcours initiatique. Il est au-dessus, en fait. Il est au-dessus de ce que ses ennemis veulent lui faire, peuvent penser de lui. En fait, il est arrivé à un niveau où il est capable de compassion et de compréhension. Je trouve que le film nous amène surtout les enfants à se dire, les méchants sont pas forcément méchants parce que c'est pas forcément naturel. Il n'y a pas des mauvaises personnes et des bonnes personnes, il y a aussi des personnes qui se perdent. Et je trouve que, et des personnes aveugles. Surtout dans ce film-là, finalement. Et je trouve que le film est assez malin dans sa manière de raconter ça aux enfants. Même si, bon, personnellement, dans la salle où j'étais, les enfants, j'ai senti qu'ils étaient un peu restés à côté. Ouais. Est-ce que c'est le côté province où les parents emmènent peut-être pas voir des films un peu plus audacieux à leurs gamins, je sais pas. Voilà, j'ai pas senti les enfants plus emballés que ça. Enfin, les blagues fonctionnaient, l'univers coloré et tout, ça a plu, mais c'est vrai que je pense que les morales sont pas forcément évidentes à saisir pour des enfants. De toute façon, je pense que c'est pas destiné qu'aux enfants. Ah, mais pour moi, c'est carrément pas un film pour enfants. Enfin, ouais. Si, un petit peu quand même. Et... enfin, même pas enfant, ado à la limite, mais pas enfant. Hein. Ado, ouais. Et en fait, moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est que, donc, comme je disais, on est dans un film américain, mais c'est une histoire qui est horrible. C'est d'une violence psychologique assez forte quand même. C'est genre, voilà. Moi, ça m'a vraiment, ça m'a assez impressionné de voir ça. Je trouve que c'était assez fort d'aller dans des thématiques comme ça et de les rendre aussi faciles d'accès, quoi. D'accord. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. J'en attendais rien du tout. Et, j'en attendais peut-être de trop, alors. Peut-être. C'est possible, ouais. Hein. Mais ouais. C'est vrai que moi, j'en attendais rien du tout. Et finalement, c'est de voir les avis positifs de tout le monde. J'ai pas eu un seul avis négatif sur ce film. Et du coup, je me suis dit, ouais, faut que j'y aille quand même, faut que j'aille voir ça. Et du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. C'est vrai que j'ai été agréablement surpris. Bon, avec les personnes qui m'accompagnaient, bon, j'ai été le seul à être agréablement surpris. Mais voilà, moi je suis vraiment content. Je sais pas s'il sera dans mon top de l'année. Je sais pas, parce que ça va être compliqué ce top de l'année. Ouais, il y en a des films. Mais c'est que j'ai pas envie de mettre que des films d'animation encore une fois. Mais c'est vrai que voilà, je là et avec Zootopie, ça va être assez balèze. Ouais. Morgane, tu vas pouvoir passer. Ouais, bah que dire, en soi, j'ai pas grand-chose à ajouter. Alors, c'est vrai que je suis un peu plus tyrambique pour le coup parce que je trouve le film quasi parfait. Alors quand je dis quasi toi, parfait, tu as un affect très pour ceux qui connaissent un peu, toi, t'as un affect assez fort pour tout ce qui est tout ce qui est Japon, Chine et tout ça. T'aimes bien cette culture-là. Oui, j'adore cette culture. Ouais. Ça te plaît beaucoup. Et du coup, pourquoi il y a un petit défaut pour moi dans le film, c'est pas tant dans la morale. Alors ça concerne aussi le final, c'est que je trouve le climax trop rapide. C'est trop. Oui, ça t'arrive comme ça. Voilà, c'est trop expéditif. Du coup, c'est dommage parce que je pense que ça aurait pu. Parce que concrètement, cette fin ne m'a pas spécialement touché. Ça m'a pas ému. Hein. Voilà, moi j'aurais aimé Ça m'a pas ému non plus la fin. Hein. Ouais, c'est vraiment les premières minutes. Quoi. Moi, c'est ce que je m'attendais, tu vois. Bah, enfin, voilà, pour le coup, vu. Dans un film comme ça. Oui, oui, moi je on m'attendais à être ému par la fin, quoi. Voilà, ouais. Mais sinon, le reste du film, j'ai marché à fond. Parce que je trouve, déjà en termes d'animation, c'est magnifique. Enfin, c'est vraiment. Alors que je suis pas du tout client de la stop motion à la base. J'avoue, l'étrange Noël de Mr. Jack, je ne peux pas ce film. Je ne supporte pas. Ouais, je le trouve moche et. Je suis archi fan. Ah, je le fais tous les ans. C'est vraiment tellement pas. Bien. Par contre, je trouve le personnage de Mr. Jack absolument expressif et mignon comme tout. Voilà. Mais le film me touche pas, donc. Mais c'est un très beau film. Et même les chansons, j'adore. Ouais. Oui, là, oui, j'ai la. C'est du Halloween. Disney. Oui. D'ailleurs, faut préciser que ce n'est pas un film de Tim Burton. Il y en a beaucoup qui ont tendance à l'oublier. Oui. C'est Selleck. Ouais, Henri Selleck. Ça ressemble à du Tim Burton. Mais ce n'est pas du Tim Burton. C'est l'imaginaire de Tim Burton, mais ce n'est pas du Tim Burton. Non, c'est le chara-design de Tim Burton, c'est tout. Hein. Comment ? Il a fait juste le design des personnages et des décors. Hein, enfin, ouais, mais même les thématiques, c'est très burtonien. Hein. Voilà. Oui, bah oui. Et du coup, non, ce personnage voilà, m'a incroyablement touché. Quoi. J'ai, pour le coup, il n'y a pas de. J'ai pas grand chose à rajouter. Kubo, bien sûr. Hein. Oui, ouais, Kubo, oui. Enfin, Kubo. Je dis Kubo, moi. J'ai été frappé par la maturité du récit. C'est vrai que j'étais vraiment pas préparé à ça en rentrant dans la salle. Je m'attendais vraiment au récit initiatique un peu classique. Et déjà, même si sur l'affiche ça se voit, mais j'avais pas remarqué que le personnage était borgne. Donc déjà, en soi, de montrer un héros plus enfantin avec un handicap physique, pour le coup assez prononcé, je trouve ça absolument audacieux. Voilà, c'est un terme qui va revenir dans le podcast, beaucoup d'audace. Mais c'est vrai que le public visé, bah, j'avais aussi des enfants dans la salle qui étaient pas très réceptifs, à part pour les scènes, on va dire, avec les petites blagues du scarabée. Lui, pour le coup, amène la caution entre guillemets enfantine, et ça marche très bien d'ailleurs. J'étais mort de rire à chacun de ces dialogues. La maturité du récit, la noirceur et aussi. Ce qui m'a le plus surpris, j'ai eu peur pendant ce film. La scène où les deux sœurs, les deux tantes apparaissent sur le lac et tout, c'est absolument. Déjà, c'est magnifique, un jeu des couleurs. Et c'est dommage, je l'ai pas vu en 3D, parce que je pense que la 3D était magnifique, mais j'ai pas vu en 3D. Je regrette un petit peu. Mais voilà, c'est toute cette noirceur du récit, cette maturité, c'est quelque chose que je vois vraiment très peu dans les films d'animation. Alors bon, je vais pas taper sur Disney, coucou Vincent, mais j'adore Zootopie. Et d'ailleurs, je trouve que 2016, c'est quand même l'année pour moi des films d'animation, aussi bien chez Disney avec Zootopie, celui-là, et aussi les Japonais avec Le Garçon et la Bête. Je trouve que 2016, ouais, c'est une grande année pour le cinéma d'animation. On a des films de tout genre. Comment ? De tout cinéma d'animation de tout genre. De tout genre, voilà, oui, c'est ça. Mais entre c'est le monde de Dory, Anomalisa, La Tortue Rouge. Enfin voilà, il y a vraiment de tout pour tout le monde. Et du très bon. C'est vrai, c'est une année sous le signe de l'animation, finalement. Ouais. Et très éclectique, vraiment. Mais pour le coup, c'est vrai que Kubo, j'aurais tendance plus à le conseiller. Bon, parce que bon, effectivement, bon, je vais faire mon rabat-joie, mes Zootopie, ça marche tout seul, voilà. C'est-à-dire que Kubo est un film qu'il faut soutenir. D'ailleurs, le film ne marche pas vraiment en France, d'ailleurs. Hein. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Le film ne marche pas vraiment en France, mais c'est dommage. C'est pas Disney, c'est pas Fédération. Oui, voilà, il y a pas le label Disney, il y a pas tout ça, donc forcément, c'est un peu compliqué à vendre. Mais... Et ce qui est bizarre, la culture japonaise, ça fonctionne quand même pas mal en France. C'est Ghibli, ça marche parce qu'il y a le label Ghibli, mais là il y a aucun label. Du coup, c'est un peu compliqué. Je pense que. Oui, mais je parle plutôt des jeunes, des adolescents justement que tu parlais. T'es plus la cible du film, qui sont vraiment dans la culture, qui lisent des mangas, qui vont à Japan Expo ou des trucs comme ça. En tout cas, quand on voit l'affiche, c'est quand même vendu comme un film pour enfants, paradoxalement. Ouais, on voit c'est par ça exemple des studios Ghibli, on sait que il y aura ce sera mature, etc. Là sur l'affiche, en plus le titre français, excusez-moi, est quand même bien moisi. Ça ouais, fait un peu. Ouais, un on peu dirait un nanar. Hein. Ouais. Bon après Kubo et les deux cordes, ça aurait été bien. Ah, aussi. Ça aurait. Ouais, ouais. Ouais, ça, mais Kubo et sa guitare, ça fait Kenji. Donc. Ça fait un peu. Oh, non, arrête. Rita, non. Mais... Ça fait des images à cauchemar dans ma tête. J'adore Kenji, arrêtez. Un très grand film d'animation et voilà, j'ai vraiment rien d'autre à rajouter quoi. Pour le coup, c'est voilà, j'ai du mal à parler des films d'animation. C'est des films d'animation. Moi aussi, je confirme. Hein, j'en ai chié à l'écrit. Ah ouais, t'as critique, ouais, ouais. À tel point qu'il nous a, tu nous as demandé de l'aide. T'as dit que tu savais pas par où. Non, c'est pas ça. Ce que j'avais dit, que je verrais ce film tel jour, je l'ai vu et je me suis dit bon, il y en a peut-être qui attendent mon avis. Hein. Moi, j'avais essayé d'en écrire. J'espère toujours qu'il y en ait qui attendent mes critiques. Et moi, du coup, c'est pour ça que j'ai dit, j'ai envie d'écrire, mais je n'y arrive pas. J'arrive pas à commencer. Ça veut pas. Ouais, mais quand t'es le lendemain matin, par contre, à 7h30, j'étais au taquet. Ah, mais quoi? Bah, le matin, carrément. Ah oui, non, mais j'étais hyper au taquet le matin. J'ai dit, bon, je me lève, je prends mon déj et j'écris. Ah, ouais, dis donc. Et c'est venu tout seul. Non, mais très grand film, faut y aller, faut le voir. Ouais, franchement, même si je suis pas à 100% convaincu, c'est un bon film, franchement, et il faut absolument aller le voir pour soutenir le cinéma d'animation un peu plus. C'est artisanal, quoi. Voilà, le c'est stop ça. Motion, donc... Ouais, complètement. Et c'est pas, on le voit pas très très souvent au cinéma, à part et pour faut, les studios. Faut pas penser que c'est un sous-genre d'animation. Ah non, moi, pas complètement. Mais non, mais je pense que dans l'esprit de certaines personnes, c'est ça, quoi. C'est gros. T'avais la 2D et maintenant la 3D, mais le stop motion a toujours été en retrait. Ouais. Non, c'est juste une autre technique pour raconter une histoire, quoi. C'est ça. Ouais. Y a pas. Bon, voilà. On va passer maintenant à Morgane qui va nous parler d'un film mais complètement différent, beaucoup plus glauque. The Prison Experiment, qui est un DTV que tu as vu récemment. Et on se demande pourquoi tu l'as vu. Oui. Alors. Oui, j'avoue, il y a il y a une raison au casting qui tient en deux mots, à savoir Tai, plus loin, Sheridan. C'est en épluchant justement sa filmographie, je me suis dit, tiens, il y a un DTV avec lui qui est sorti en juin dernier, il faut que je le voie, puis en plus, ça a pas l'air trop mauvais. Et j'ai bien fait de le voir, enfin oui et non, parce qu'on me le malmène pendant le film et... Mon petit cœur en a pris un coup. Bref, soyons sérieux. Donc moi je vais vous parler de c'est du jeu, c'est pas pour de vrai. Non, mais oui. Puis en plus, attends, on y met une coupe de cheveux horrible. On l'a un peu enlaidi et ça m'emmerde de le dire ça, franchement. Mais bon, c'est pas grave. Quand il a son petit bonnet, il est chou comme tout. Bon bref. Donc moi je vais vous parler de The Stanford Prison Experiment, l'expérience de la prison de Stanford. C'est le titre français. Donc en fait, il y a le titre anglais, puis juste en dessous, c'est traduit. Donc c'est rigolo. Donc c'est sorti au cinéma, hein, il me semble, hein, aux États-Unis, mais chez nous, c'est arrivé en DTV. Ouais, c'est aux États-Unis, ouais. Ouais, le 7 juin dernier. Donc ça parle donc de l'histoire de, enfin de l'histoire vraie, hein, qui parle de l'expérience de la prison de Stanford qui a eu lieu en 1971, en gros qui était organisée par un psychologue dont le but était d'explorer les effets de l'enfermement carcéral sur les prisonniers et sur leur les gardiens. Si vous voulez, ils ont recruté c'est une expérience sociologique. Et psychologique surtout, sociologique et psychologique. En gros, bah, ils ont pris je crois, il y avait 20 jeunes, il y en a 10 qui ont joué les prisonniers, 10 qui ont joué les gardiens, et ils étaient observés par des caméras, etc. Donc il y a déjà eu un film en 2003 par Oliver Hirschbiegel, désolé, je prononce mal, réalisateur de La Chute, et du mauvais Diana qu'on préfère oublier. Et il y a eu aussi un remake américain avec Adrien Brody et Forest Whitaker, lui aussi sorti en DTV en 2010. Alors j'avoue, j'en avais vu, j'ai vu aucun des deux, donc Adrien Brody n'est pas Ty Sheridan. Non, en fait, j'avoue, je connaissais ces deux films-là, mais j'avais jamais fait le lien, en fait. Et du coup, je me suis lancé dans l'expérience, parce qu'en voyant les notes sur Vodcaster, je trouvais qu'il avait plutôt des bonnes notes. Et j'ai bien fait, parce que bah si vous pouvez le voir, voyez-le. Donc bon, moi, personnellement, je vais l'avouer, hein, on se cache rien, je l'ai téléchargé. Hein. Bah voilà, financièrement, c'est un peu compliqué des fois. Mais bon, voilà, le téléchargement, il est autorisé pour certains films. Donc celui-ci est absolument étonnant, je dois dire. Mais étonnant parce que quand le film commence, personnellement, comme j'ai même en ayant lu le synopsis, c'était très flou dans ma tête. Et j'ai commencé par ne pas comprendre ce que je voyais. J'étais étonné par le ton un peu léger. Je trouvais que je me disais, tiens, c'est une expérience glaçante et je trouve ça assez... assez léger, limite drôle. Et au final, plus le temps passe, plus le climat se resserre petit à petit, au fur et à mesure que les prisonniers, eux, deviennent fragiles. Alors donc au casting, il n'y a pas que Ty Sheridan, on retrouve aussi Ezra Miller, qui est exceptionnel. Enfin, lui, c'est vraiment un acteur. Voilà, j'ai pour le coup hâte. C'est peut-être la seule raison qui fait que j'attends Justice League. Hein, c'est sa présence parce que voilà, lui arrive vraiment pour le coup à tout jouer. Il va jouer Flash. Oui, il va jouer Flash, absolument. Et bon, donc Ty Sheridan à côté, lui prouve qu'il est un acteur capable de tout jouer. Quoi. C'est un jeu tout en retenue. Il est souriant au départ, un peu cynique, il prend ça à la rigolade, mais vers la fin, il tombe dans la colère, voire la folie. Et le pauvre, enfin, je trouve que voilà, si je sais que je vous joue saoule avec lui, moi c'est un peu le fanboy qui parle, mais objectivement, c'est un acteur absolument remarquable. Ce film-là le prouve. Et voilà, c'est tout ce climat très oppressant qui se resserre petit à petit, servi par une mise en scène que je trouve plutôt correcte. En plus, le film ne montre pas tant que ça la violence, mais la fait ressentir, et c'est ça qui marche. C'est-à-dire que ce qu'on voit, on est témoin de choses qui sont pas spécialement dérangeantes à l'image, mais quand on se met à la place de ces prisonniers qui subissent ça, ce qu'il faut savoir, qu'ils ont subi ça pendant 6 jours. Parce qu'à la base, l'expérience durait 15 jours, mais ils ont dû raccourcir à 6 jours, tellement les prisonniers devenaient fous, et tellement ça prenait des proportions absolument dingues. Et les gardes aussi. Et les gardes, voilà, c'est surtout les gardes, parce que c'est surtout le portrait psychologique angoissant de l'humain, et sa capacité non seulement à souffrir d'un abus d'autorité, d'ailleurs l'expérience était faite pour ça, pour montrer que un trop plein d'autorité sur quelqu'un, ça peut le rendre fou, et à contrario, la capacité d'un homme à montrer son côté sadique et pervers quand on lui permet de le faire. Et c'est vrai que pendant le film, je me suis posé des questions sur moi, à savoir si j'aurais été plus gardien que prisonnier. Bon, comme je n'aime pas quand on m'envoie dessus, j'aurais préféré être gardien. Mais je me suis dit, est-ce que j'aurais été capable, si on m'avait donné les pleins pouvoirs, est-ce que j'aurais été capable de sombrer jusqu'à l'humiliation? Là, concrètement, je dis non. Mais le film montre bien que des personnes qui, à première vue, sont des personnes qui sont droites dans leur tête, qui n'ont rien à se reprocher, qui sont gentilles comme tout, bah, quand on leur donne tous ces pouvoirs-là, ils pètent un plomb et ils peuvent justement montrer un côté très pervers qu'ils n'avaient jamais soupçonné en eux. Donc en ça, c'est une expérience assez intéressante. Je vais quand même voir le film original qui m'a l'air un peu plus radical, un peu plus frontal et plus violent. D'ailleurs, il est réputé pour ça. Mais en attendant, ce DTV se regarde plutôt bien. Je l'ai bien noté, hein. J'ai mis 4 sur 5 parce que c'est une expérience qui fait réfléchir. C'est choquant, mais vraiment dans ce que ça montre pas. Et pour le coup, j'ai été assez bluffé, quoi. C'est froid, c'est vrai. C'est un peu long, ça dure 2h10, il me semble, ou 2h05. Mais l'expérience vaut le coup parce que ça fait réfléchir. C'est un film intelligent et bien foutu. Voilà, c'est tout ce que je veux en dire. Ouais. Moi, personnellement, j'ai vu un... malgré. Ouais. Malgré la présence de ton acteur préféré. Mais il est parfait dans le film. Il est parfait, mais il est toujours parfait. Oui. Voilà. Bon. Écoute, faudra que je le voie pour juger moi-même. Ouais. non, mais j'avais vu un documentaire là-dessus. Enfin, ça m'avait passionné déjà. Et si vous êtes intéressé par ce genre de truc, je vous conseille le documentaire que France 2 a produit en 2010, qui s'appelle Le Jeu de la Mort. Qui est, j'en avais parlé un peu avec Morgane rapidement, mais avant qu'on commence à enregistrer, mais qui est vraiment super bien. Sur, c'est aussi sur une expérience sociologique. Enfin, voilà, c'est des trucs qui me passionnent et qui me font peur en même temps. Mais je trouve que c'est intéressant de parler de ça et de voilà de montrer aussi. Après, je sais pas la qualité film de Prison Expert. Expérimente, voilà, mais l'humain est imprévisible, il est capable des pires choses. Ouais, et mais même en y réfléchissant comme ça, on peut dire oui, on ferait jamais ça. Ah ouais. Il y a des choses comme ça qu'on peut pas prévoir en fait. Voilà, voilà on peut ça pas prévoir, c'est vraiment quelque chose qui voilà qui me, ça fait qui peur, me passionne personnellement. C'est vrai que... Et je veux le voir depuis longtemps d'ailleurs ce film Prison Expérimente et je pense que je le verrai prochainement, voilà, quand j'aurai un peu de temps. Voilà, on va passer maintenant à un autre film, un film qui fait peur, enfin normalement qui devrait faire peur. Alors, mais qui ne fait pas peur. Ouais. Alors j'en ai entendu. Ouais, j'en ai entendu beaucoup de mal, et je pense que je vais pas en entendre du bien aujourd'hui encore. Non. Mais donc le remake ou une suite de Blair Witch, enfin on ne sait pas non, vraiment. À la base, c'est une suite. Ouais. Déjà, il y a déjà eu une suite hein, du projet Blair Witch, hein, Blair oui, Witch 2. Ouais, le Blair Witch 2, qui est apparemment très très mauvaise. Voilà, mais j'ai pas vu, du coup, parce que j'adore le projet Blair Witch. Je trouve que c'est un grand film, à sa manière. C'est un film qui. Eddie ne sera pas d'accord là-dessus. Non, je sais. Eddie n'aime pas. Mais pour moi, Blair Witch, c'était un grand exercice de mise en scène. Pour le coup, voilà, c'est du pur fun footage. Je trouve qu'il y a un peu une escroquerie hein, aujourd'hui, quand on parle de certains fun footage, ils sont un peu trop scénarisés. Ouais. Il y a beaucoup de montage, même dans le cas, là. Comment ? C'était déjà le cas. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais au moins, même si on, j'entends bien les ceux qui n'aiment pas dire qu'il ne se passe rien. Il ne se passe pas grand chose dans le film, mais en fait, il se passait à la fois tout et rien. C'est-à-dire que j'avais peur de ce que je ne voyais pas. Et j'avais peur d'avoir peur. Et c'est quelque chose que j'avais retrouvé dans le premier Paranormal Activity, d'ailleurs, que je trouve, à mon humble avis, plutôt réussi. Et une suite sont problématiques. Vous voyez à quel point je peux être bon public. Donc voilà, le projet Blair Witch, pour moi, est un film excellent. Et d'ailleurs, je l'ai découvert cette année. Et j'ai vraiment eu peur, pour le coup. Et jusque ce dernier plan, vraiment tétanisant. Donc ce film-là a été fait dans le secret le plus total. Hein. Nous l'ont fait façon 10 Cloverfield Lane. On a eu une bande-annonce pendant le Comic-Con d'un certain film, je crois qu'il s'appelait The Witcher ou The Witch, je crois. Et en fait, c'était écrit à la fin, non, c'est Blair Witch, en fait, c'est la suite. Donc moi, j'étais plutôt surpris parce que je me suis dit que revenir, parce que je crois que Blair Witch, c'était en 99, 2000. Voilà, bon, dans fin 90. Ouais. Je me suis dit, revenir plus de 15 ans après avec Blair Witch, c'est forcément qu'il y a quelque chose d'intéressant. Mais en même temps, c'est vrai que j'avais un peu peur parce que je trouvais pas que Blair Witch avait, enfin, le premier Blair Witch avait besoin d'explications. Au contraire, je pense que le côté très mystérieux du film résidait dans ce qu'il n'expliquait pas forcément. Et justement, les fun footage aujourd'hui, même s'ils essaient de nous faire croire que c'est des images retrouvées, tout est scénarisé et nous explique quand même bien les choses. Rec, même si c'est des bons films, c'est quand même extrêmement scénarisé, alors que Blair Witch, c'était vraiment j'avais vraiment l'impression de voir une caméra amateur. C'est lui qui a lancé la mode du fun footage. Qui l'a relancé, qui l'a démocratisé. Bien sûr. Et Blair Witch m'avait frappé par son réalisme. Là, du coup, ils essaient d'expliquer quelque chose, mais en même temps, alors ils essaient d'expliquer, mais ils n'expliquent rien, parce que dans la entre guillemets mythologie Blair Witch, non seulement il n'y avait pas besoin d'expliquer, mais soit si quelqu'un avait envie de m'apporter une explication, qui effectivement moi me titiller un peu ma curiosité, pourquoi pas, j'étais ouvert à tout. Maintenant, c'est quand même dommage de payer sa place pour avoir zéro explication et d'avoir le droit non pas à une suite, mais à un remake un peu moderne qui ne s'assume pas vraiment en tant que tel et qui préfère se vendre comme une suite. Et voilà, tout le problème, il est là. Donc j'ai eu l'impression d'être une vache à lait, une pompe à fric à qui on a agité une carotte. Viens voir, on va t'apporter des trucs. Au final, on m'a rien apporté du tout. Ça fait pas peur, il se passe pour le coup rien du tout, ça dure 1h30, c'est extrêmement long. Il faut attendre le climax de fin, hein, qui dure un quart d'heure pour avoir un film qui ressemble un petit peu à quelque chose. À base de jumpscares, c'est vrai, mais en même temps, comme il se passait tellement rien, on est bien content d'avoir 2-3 jumpscares. Mais en soi, ça fait pas peur du tout. C'est le moment, effectivement, où tout doit être expliqué, mais il y a rien et c'est tellement incohérent parce que souvenez-vous que le premier Blair Witch se passait dans une maison à la fin, sauf que la maison qu'on voit dans celle-là, donc on voit à la fin, qui est censée être la même, c'est pas du tout la même. Donc déjà, il y a une incohérence en termes d'architecture qui fait que ouais. Moi, ça m'a sorti du film et je me suis dit non, c'est pas une suite, c'est un remake. Donc déjà, gros problème de promo, je trouve que ça ne collait pas du tout. Ils ont essayé de faire leur Evil Dead 2. Mais n'est pas ça me reste un peu. Hein. Et ouais. Non, ils ont aussi voulu faire leur 10 Cloverfield Lane, mais ouais, le problème ouais. C'est que non, ça c'est ni fait ni à faire quoi. Ça ne soutient pas, c'est tellement incohérent, il y a rien qui tient, ça ne fait pas peur. Pourtant, moi je suis un trouillard notoire, j'ai peur devant Titanic, c'est pour dire, et devant le premier Resident Evil de Paul W.S. Anderson. Oui non, dans Titanic, j'ai peur au moment où à la fin elle entend des voix, vous savez, où elle est sur la porte. À un moment, elle a lu, ça me fait flipper. Vous voyez à quel point je peux être très trouillard. Mais là, franchement, c'est du foutage de gueule, pour le coup, du fun footage de gueule. Et ça n'apporte rien. C'est un film qui ne sert à rien. Et c'est d'accord. Une escroquerie totale. D'accord. Ok. J'en ai terminé. Au diable la sorcière. Piatch. D'accord. ouais. Comment tu veux finir avec ça ? Blair d'accord, Beach. Bon, bah... Voilà. Blair Beach, ok. On va peut-être passer à Heidi avec un rattrapage que t'as fait donc quand on a 17 ans. Bah, Morgan sur les bons conseils de Morgan. Hein. Morgan en avait parlé dans un podcast précédent. Morgan qui me l'avait chaudement recommandé et pour une fois. Alors déjà Heidi, c'est des bons conseils. Une fois, et deux, j'ai pensé à Heidi en voyant ce film-là. Je me suis dit quand j'ai vu le film, Heidi va l'adorer. C'est obligé, c'est un film pour lui. J'en étais persuadé, j'étais sûr de moi. J'aurais dû couper ma main. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent Morgan me conseille des films qu'il pense que je vais aimer, et en général, ça marche pas. Oui, bon, la dernière fois, c'était Dancer in the Dark, j'avoue, et il s'en souvient voilà. Encore, il m'en veut encore aujourd'hui. Hein. C'est toujours douloureux, Ah, ce bon vieux là. J'ai la nausée à chaque fois que je vois Björk, enfin, bref, c'est une catastrophe. Il m'en veut encore, hein, ça date de 2 ans cette affaire. Comment? Il m'en veut encore, ça date de 2 ans cette affaire, mais tu m'en veux encore. Mais il y a des choses. Mais celui-là, il y a des choses qu'on n'oublie pas. Et donc celui-là, mais celui-là, le sujet me tentait, donc bon. Et j'avais très envie de le voir, j'ai eu du mal à le trouver, et ben du coup je l'ai loué en VOD. Vous voyez, je fais les choses bien. Pourtant il est bon. Il est apparu il y a pas très longtemps sur des sites de téléchargement. Oui, bah oui, parce qu'après il est sorti, mais moi je l'ai pris en VOD quand il est juste sorti. Oui, parce que la VOD, il y a de la VOD qui sort avant. Ouais. Et non, ouais. Mais c'est que je le trouve même pas sur des sites. Ah oui, ouais. Et oui. Et donc du coup voilà. Alors, donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors déjà pour resituer le film, peut-être vite fait le resituer quand même parce que bon on en a parlé mais ceux qui nous écoutent sont pas forcément au fait de ce qu'on a dit l'autre fois. Sauf Nemo. Sauf Nemo qui n'aime que Morgan. D'ailleurs il m'émute à chaque fois qu'on parle hein, donc ça sert à rien. Ouais. Que moi. Oui c'est ça. Donc c'est l'histoire de deux garçons qui se battent tout le temps. Que les familles respectives n'arrivent pas à séparer. L'éducation scolaire intervient pour les séparer pour éviter qu'ils se battent. Oui, alors le résumé est pas terrible. Ouais. La question est de savoir comment tout ça va évoluer, s'ils vont rester ennemis jusqu'au bout ou s'ils vont parvenir à se rapprocher. On pourrait même parler de Rabbi Boucher, mais bon, bref. Donc moi j'ai beaucoup aimé parce que je trouve qu'en fait déjà au-delà du sujet prédominant dans le film, je trouve que c'est un excellent film sur l'adolescence. Et finalement ils sont pas si nombreux que ça. Les bons films sur l'adolescence, il y en a des biens, mais des très bons, je trouve qu'ils sont assez rares. Et celui-ci, je trouve qu'il est vraiment bien parce que il met vraiment en avant tout le côté. Toute cette période où on se cherche, que ça soit, alors il y a la recherche sexuelle et tout, mais ça va au-delà de ça, c'est où on se pose des questions sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on veut être, sur ce qu'on devrait être, sur ce qu'on peut pas être, enfin, sur ce que la société nous impose, etc. Donc je trouve que le film est très intéressant là-dessus. Et après, ce que j'ai beaucoup aimé, au-delà du sujet en lui-même, c'est la réalisation. Je trouve qu'elle est très... André Téchiné, il en fait vraiment... Enfin, c'est très organique, en fait. Il y a vraiment un côté... le film se passe à la montagne, et c'est vrai que la montagne, elle symbolise vraiment plein de choses dans le film. Il y a un côté cocon, il y a un côté paradis perdu... Et au-delà de ça, Téchiné, il filme les corps. Et ça, c'est vrai que Morgane, tu l'avais dit, et c'est vrai que quand j'ai vu le film, ça m'a sauté aux yeux. C'est que on sent qu'il est vraiment... il filme ça. En fait, plus que les acteurs, c'est leur corps, leur posture qui raconte l'histoire. Et c'est la même chose pour Sandrine Kiberlain. Hein. Elle est vraiment très très bien dans le film. Je pense que c'est vraiment l'un de ses plus beaux rôles. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a... Le film est très juste et en même temps il donne une vision assez positive du sujet de l'homosexualité et comment les parents peuvent l'apercevoir sur leurs enfants. C'est vrai que le film il est dénué de tout jugement. Alors c'est pas comme La vie d'Adèle où on allait carrément jusqu'à exclure les parents du sujet parce que finalement c'est vrai qu'on mais Adèle on voit pas la réaction de ses parents. On voit que la réaction des parents de je sais plus comment elle s'appelle. Ouais, je sais plus non plus. Des parents de Léa Seydoux dans le film. Et eux, bon, c'est les bobos très ouverts, machin, donc forcément, voilà, ça passe. Mais c'est vrai que là, André Téchiné, je trouve que voilà, et Céline Sciamma surtout, parce que c'est elle qui a écrit le film avec lui, ils ont vraiment eu cette idée d'exclure le jugement et de traiter ça comme un sujet complètement banal. Et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien, donc du coup il n'y a pas de militantisme et ça c'est très bien aussi parce que ras-le-bol de ces films où tout le monde, ça peut être, je dis pas que c'est mauvais, mais parce que bon, Pride était très bien, mais c'est vrai que souvent c'est appuyé et tout. Enfin, je repense à ça, mais l'autre jour ils l'ont passé à la télé, ils ont repassé Bobby seul contre tous. Voilà, ça c'est typiquement l'exemple du film militant insupportable et qui pour moi ne fait vraiment pas avancer les choses, quoi. Oh. Voilà, je pense qu'un film comme La vie d'Adèle ou Quand on a 17 ans est beaucoup plus parlant et surtout beaucoup plus efficace pour faire avancer les mentalités et voilà, parce que tout simplement c'est on traite le sujet de manière normale, de manière simple, de manière naturelle. Voilà. Et je pense que la meilleure des façons de faire accepter une idée, c'est de montrer que finalement, ça influe pas tant que ça sur tout ce qu'on pense. Et je pense que voilà, c'est vraiment la meilleure façon de le faire. Et ça, le film là-dessus, il est très habile. Et après, au-delà de ça, c'est que c'est assez bouleversant d'humanité quand même. Il y a vraiment, les personnages, ils sont au-delà d'être ce qu'ils sont, ce sont de beaux personnages. Ils ont une écriture qui est très forte, qui est très habile. Et je trouve que le traitement qu'il leur a accordé, il y a un humanisme derrière moi qui m'a vraiment bouleversé tout le long du film. C'est que ils sont pas enfermés dans des clichés, dans des archétypes. Sandrine Kiberlain joue le rôle d'un médecin. Et c'est pas pour autant qu'elle prend les gens de haut, par exemple. C'est pas le médecin ça se passe dans un petit village de montagne, elle est médecin, mais c'est pas pour autant que on sent bien que c'est pas l'érudit du village. Ouais. Elle est médecin, mais l'agriculteur du coin, finalement, il a autant de choses à lui apporter, à elle, par exemple. Et je trouve que le film donne c'est pas une la vision, sauveuse de le, ouais, c'est pas la sauveuse du coin, c'est une personne lambda avec ses fonctions. Ouais, voilà. Et c'est vrai qu'elle est évidemment utile à la communauté parce que c'est le docteur du village. Et en montagne, parfois, c'est pas toujours évident de se faire soigner parce que c'est quand même des environnements assez compliqués. Mais je trouve que le film est vraiment assez doué là-dessus. Est vraiment très réussi et assez fort. Il présente une vision, en fait, de la province qui est neuve. C'est-à-dire que les provinciaux, pour une fois, ils sont pas, c'est pas les gros bêtas qu'on voit dans La famille Bélier. C'est pas les neuneux des ch'tis. C'est pas. Oui, voilà. C'est, c'est au-delà de tout ça. C'est voilà, c'est montrer que ben oui, il y a pas que Paris en France, il y a pas qu'à Paris qu'on peut être ouvert d'esprit et ouais. Et je trouve que c'est bien. Et il y a pas qu'à Paris qu'on peut trouver des homos surtout. Aussi, voilà, et voilà, et les homos sont pas tous des mecs ultra efféminés avec des slims, des machins. Non, t'en as des, ben, ou voilà, même des super canons. Ils ont même des, tu sais, des physiques, des gros muscles, tout ça, parce que l'homosexualité, c'est ça, ouais. L'imagerie homosexuelle, ah ben, c'est quand même c'est vrai le beau brun, bien coiffé. Timothée Klein, il a quand même un physique assez particulier. Je trouve qu'il a une belle tête. J'aime bien son visage. Il a un côté très attachant, en même temps très froid. Oui, mais on peut pas dire que si, ben, si on place dans les critères de beauté, parce que ah bah oui. faut savoir que le milieu homosexuel, c'est quand même un milieu où on a beau, enfin il y en a beaucoup qu'on beau dire le contraire, on se base énormément sur le physique. Oui, c'est dire, si tu fais 120 kilos, que tu fais 1m59, machin, t'es un boulet, quoi. Et pour reprendre une phrase qu'il y a dans Desperate Housewives, les canons ne tirent pas de boulets. Voilà, c'est ça. Voilà, chez les homos, c'est un peu ça. Et là, c'est vrai que le film est complètement aux antipodes de ça. C'est que, alors, il y en a un, bon, physiquement, il a rien d'extraordinaire, il est pas efféminé ni rien. Il y en a l'autre, c'est un fils d'agriculteur, il est tout le temps en côte, il a un visage assez dur et tout. Voilà, je trouve que le film met à bas beaucoup de préjugés, beaucoup de conventions qu'on se fait et que la société fait surtout. Et voilà, je trouve que c'est très habile et au-delà de ça, c'est vraiment un très beau film. C'est une belle histoire, avec des beaux personnages, c'est bien traité, c'est bien écrit. Moi voilà, ça m'a énormément ému. Et pas forcément parce que, enfin, c'est pas des personnages dans lesquels je me suis reconnu, moi étant plus jeune, par exemple. Mais ça m'a ému, quoi. Parce que c'était beau. Tout simplement. Donc, je vous encourage vraiment à le voir. Pour le coup, Morgane, tu m'as bien conseillé. Je t'en remercie. Mais de rien, c'était un plaisir. Ouais. Ok, bah nickel. Moi, de toute façon, depuis que tu en avais parlé, j'avais envie de le voir. Donc, là, ça. Bah, je pense que tu aimeras aussi. Ouais, ouais. Ok, bah oui, moi, de toute façon, il est sur mon disque dur, en attente, voilà. Mais il faut le voir avant la fin de l'année, parce que je pense que ça peut bouleverser des tops. Ah, ok, ouais. D'accord. Enfin, moi, en tout cas, ça m'énerve, parce que c'est chiant quand on voit... Ouais. Autant j'ai du mal à faire un flop cette année, mais le top se remplit, là. Le top, il est compliqué, ouais, même moi, j'ai déjà 10 films à... Même plus, ça va être un casse-tête. Mais c'est bien, tant mieux. Bah oui, tant mieux. Il vaut mieux que ça soit comme ça. L'année cinéma est pas mal. À part l'été qu'on a eu, sinon. Voilà. D'ailleurs, en parlant d'été, petite digression, vous avez vu pour Suicide Squad ? Oui, c'est sorti juste avant. Ah oui, version longue. 13 minutes supplémentaires dans la version. Ah oui, mais alors ton tweet, ça m'a vraiment fait rire. Encore plus de Jared Leto. Évidemment, c'est les compliments, quoi, entre Nemo qui me disait Eddie qui dit que je le fais rire. Non, mais le tweet m'a vraiment fait rire, parce que c'est vrai qu'il est. Le tweet est assez vrai, en fait. Oui. D'accord, ok. C'est pas pour rien que j'ai été retweeté souvent, quoi. C'est un moment. C'est abusé. Ok. Bon, pour finir cette sélec, on va dire que je voulais parler d'un film français. On a tous parlé, en fait, d'un film français qui nous plaisait. Oui. En fait, je pense qu'on a fait ça parce qu'on allait défoncer après un film français. Donc, film québécois. Oui. Ouais, enfin, il y a des acteurs français. Un film québécois donc, sans accent québécois. Voilà. Mais tourné au Québec. Oui, tourné au Québec en plus. Vous voyez un peu le micmac quand même. Hein. Ouais, ouais. Donc voilà, je voulais parler très rapidement d'un film que j'ai vu cet après-midi, Les Chevaliers Blancs, donc de Joachim Lafosse, puisque Joachim Lafosse, c'est celui qui a fait L'économie du couple, qui nous avait... c'est pour ça que tu l'as vu. Oui, qui nous avait tous les deux marqué, Morgane et moi, le mois dernier. Parce qu'il y a du Maître Gims dedans. Non, alors pas du tout pour ça. Mais voilà, je voulais voir ses autres productions, et en plus le truc c'est qu'il a sorti donc ce film Les Chevaliers Blancs le 20 janvier 2016 et il a sorti L'économie du couple en août 2016, donc il est assez prolifique. Donc c'est un film avec Vincent Lindon, Louise Bourboin et Valérie Donzelli, entre autres. Ça parle d'une histoire vraie, enfin c'est inspiré d'une histoire vraie de l'Arche de Zoé, voilà. C'est une histoire que j'ai... L'Arche de Zoé ? Oui, c'est oui. C'est une histoire dont j'avais entendu parler en 2007, mais très rapidement. Ouais, c'est un fait divers. Hein. Ouais, ouais. Donc le synopsis, c'est que donc, il reprend pas les vrais noms des personnages parce que bah, ils sont actuellement en prison. Donc voilà. Donc Jacques Arnaud, interprété par Vincent Lindon, qui est président de l'ONG Move for Kids, a convaincu des familles françaises en mal d'adoption de financer une opération d'exfiltration d'orphelins d'un pays d'Afrique dévasté par la guerre. Entouré d'une équipe de bénévoles dévoués à sa cause, il a un mois pour trouver 300 enfants en bas âge et les ramener en France. Mais pour réussir, il doit le persuader ses interlocuteurs africains et les chefs de village qu'il va installer un orphelinat et assurer un avenir sur place à ces jeunes victimes de guerre, dissimulant le but ultime de son expédition. Donc voilà, ça c'est le pitch principal. Ça reprend pas mal de trucs des quasiment tout le fait divers en fait, qui avait fait pas mal de bruit en fait il y a longtemps. Mais du coup moi quand j'ai regardé le film, j'ai même pas lu le pitch, je me suis dit j'ai regardé le film et je me suis dit ah tiens, ça me rappelle quelque chose, mais j'étais pas sûr que c'était ça. Et après bon, quand j'ai vu la fin du film, j'étais quasiment sûr. Donc voilà, Joachim Lafosse dans ce film prouve encore une fois qu'il est c'est un réalisateur de la discorde et du conflit. C'est le réalisateur parfait de la discorde et du conflit en fait, parce qu'il y a tellement de scènes comme dans l'économie du couple en fait, où ça s'engueule vraiment, mais sans vraiment pour parler du film dont on va parler, sans aller dans l'excès. Ça c'est vraiment très juste, surtout au niveau des acteurs qui sont au top. Joachim Lafosse qui prouve encore qu'il sait très bien diriger ses acteurs. Vincent Lindon surtout. Les lois du marché, voilà. Enfin, de toute façon, c'est toujours un super bon acteur, Vincent Lindon. Il y a pas, je crois pas qu'il ait vraiment fait un. En tout cas, il a peut-être fait des mauvais films, mais je le trouve toujours au top au niveau de son jeu. Donc, les effets de mise en scène du réalisateur sont parsemés avec juste le bon dosage pour rendre le film agréable et intéressant à regarder sans que cela pourtant tombe dans un effet de style qui aurait été assez malvenu en fait avec un tel sujet. Et le film soulève quand même pas mal de questions qui sont rarement posées en fait sur l'humanitaire, sur est-ce qu'on peut aller trop loin dans sa cause, même si on y croit vraiment, est-ce qu'il y a des choses qui sont justes ou pas, qui sont légales à faire, sans jamais pourtant avoir la prétention d'avoir une réponse toute faite. Il accuse pas un camp par rapport à un autre, il montre juste les faits, et c'est au spectateur de décider qui est, s'il y a vraiment un méchant dans l'histoire, et en fait, on apprendra finalement que il y a pas vraiment de, c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est vraiment très nuancé, et voilà, donc c'est un film passionnant à voir. C'est un peu long, il y a quelques longueurs parfois, mais il fait 1h52 quand même, je le conseille vraiment parce que c'était un film auquel je m'attendais pas à aimer autant, et finalement j'ai vraiment apprécié, et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'ai pas grand chose d'autre à dire, mais je vous le conseille vraiment si vous l'avez pas vu. Voilà. On va passer, maintenant qu'on a fini avec la Selec, à la rubrique du film du mois. C'est parti. Donc on est à la rubrique du film du mois. On va vous parler de Juste la fin du monde, le dernier film de Xavier Dolan, qui est sorti en France le 21 septembre 2016. Donc c'est un film qui vient du Canada et aussi France, voilà, production française et canadienne. Voilà, merci. Casting français. Et le reste, production canadienne. Voilà, c'est ça. C'est une adaptation l'adaptation d'une pièce de théâtre du même nom, écrite par Jean-Luc Lagarce en 1990. Le film a remporté le Grand Prix au Festival de Cannes 2016. Le synopsis rapidement, Louis revient voir sa famille après 12 ans d'absence afin d'annoncer sa mort prochaine et inévitable. Son retour bouleverse ses proches et génère des conflits. Voilà. On retrouve au casting. Et de l'ennui. On retrouve au casting Nathalie Bay, Vincent Cassel, Gaspard Ulliel, Léa Seydoux. Ulliel, je sais pas. Léa Seydoux et Marion Cotillard. Voilà. Non, ce que t'as dit Nathalie Bay, c'est Bay. Bay, pardon. Nathalie Bay. C'est pas la femme de Michael Bay, hein. Non. Oh mon Dieu, la peau. Oui. Non, non. Voilà. Qui est-ce qui veut commencer par parler de ce film? Personne. Je vous laisserai bien en parler en premier. Hein. Morgane. Ah bon. Morgane, peut-être. Axel, vas-y, Axel, vas-y. Quoi, vas-y. Moi? Oui, vas-y. C'est bien. T'es plus lancé, Axel. Ouais. Rapidement. Oui, vas-y. Bien nuancé. Allez, vas-y. Sans débat, au pire. Hein, si oui. Tu lances et puis tu me tends une perche, je la prendrai, je donnerai la perche à Eddy. Enfin, voilà. D'accord. C'est très bizarre comme formule, j'en conviens. D'accord. Eddy et moi-même, on a écrit une critique. Alors moi, c'est une critique entre guillemets. Hein. C'est plutôt une blague qu'autre oui, chose. J'ai adoré. Hein. J'ai fait le même merci. Coup sur le dernier Transformers de Michael Bay, mais ouais. personne n'a réagi. Bon, c'est un peu tombé à plat, mais je m'étais amusé pareil. Mais moi, c'est plus. Mais c'est bien, plus... ça change et ça fait ouais. du bien des fois. Aussi. C'est plus une blague qu'autre chose. Hein. C'est pas vraiment une critique, mais voilà quoi. Si ça vous intéresse, mais allez, si vous voulez un avis plus construit et plus, plus normal, allez voir la critique d'Eddy et la critique de Morgane du site qui a fait une critique critiquable aussi. Donc voilà. Morgane C. Voilà, exactement. Donc juste la fin. C'est lui qui aime bien Nemo en fait. Non, il parlait du podcast. Oui. Donc voilà, juste la fin du monde, dernier film de Xavier Dolan. Moi personnellement, Xavier Dolan, j'ai vu tous ses films. Tous ses films me plaisent à peu près. Il y a peut-être, il y a Tom à la ferme où je suis un peu moins convaincu. Mais sinon le reste, je trouve que ça aussi entre du très bien et de l'excellent. Celui-ci, déjà j'y suis allé avec en entendant déjà tous les avis négatifs qui s'est pris dans la gueule par beaucoup de personnes. Il y avait peut-être 2-3 personnes dans le lot qui acclamaient un petit peu le film, mais sinon je voyais que des critiques négatives, donc ça m'intriguait quand même assez. Donc je suis allé voir le film avec ces critiques en tête. Et finalement, donc j'attendais plus vraiment trop le film, même si je l'attendais pas non plus impatiemment. Mais voilà, j'ai vu le film. Le film m'a, même si je l'attendais pas vraiment, m'a quand même un peu déçu pour du Xavier Dolan, parce que je m'attendais quand même à quelque chose vraiment de mieux. Mais là, c'était vraiment pas génial, quoi. Il y a pas mal de problèmes avec le film. Il y a quand même des bons points. Faut pas non plus cracher complètement sur le film. Il y a des bons points, mais il y a des soucis. Par exemple, le plus gros souci est celui qui saute aux yeux, mais qui vient vraiment vous à la rétine, vous grattez la rétine. C'est le jeu d'acteur de Nathalie Bay, Vincent Cassel, Gaspard Ulliel, Léa Seydoux, Marion Cotillard, qui jouent tous différemment. C'est une histoire en fait vraiment axée sur le dialogue et sur la communication, et c'est vraiment très mal joué, surtout enfin il y a vraiment Nathalie Bay désolé, j'arrive pas. Mais tu veux la marier avec le furieux américain là, oh là là. Le seul truc bien avec le niveau des acteurs, enfin bien entre guillemets, j'ai trouvé Marion Cotillard, même si elle joue mal, j'imagine à quel point ça devait être difficile de jouer. Mais là, c'est fait exprès, hein. Oui, mais de jouer les hésitations. Elle joue la neuneu. Jouer les hésitations, ça doit être super difficile. C'est pas quelque chose qui doit être aisé, donc du coup, ça, c'est un truc qui, même si c'est pas bien joué, je dois quand même le reconnaître. Après, au niveau de l'esthétique du film, c'est vraiment. En fait, c'est le syndrome. On lui a répété qu'il était un génie trop de fois, et du coup, il va trop loin dans sa folie. Et ça y est, t'es un hater de Dolan, ça y est. Je suis un hater. Non, parce que je défendrais corps et âme, ses autres films. Hein, Mommy, parce qu'ils sont, quel grand film. Ils sont vraiment excellents. Même Les Amours Imaginaires, qui est un de mes préférés, et qui n'est pas non plus celui qui fait l'unanimité. Voilà. Xavier Dolan, on lui a répété trop de fois qu'il était un génie, et du coup, il y a cru. Et il veut absolument montrer que c'est un génie visuel, et même quand il filme du dialogue, et c'est mal filmé. Il respecte plus. Enfin, il y a la scène de dialogue au début quand il rentre dans la maison, le personnage principal interprété par Gaspard Ulliel, qui est agaçant, insupportable. Mais cette scène de dialogue quand il rentre dans la maison, il respecte plus aucune règle cinématographique, du coup il filme vraiment mal, on comprend rien à la scène, on sait pas où on est, et c'est mal découpé, c'est cut à fond, et il y a aussi les scènes clipesques qui sont vraiment d'un mauvais goût absolu. On se croirait vraiment sur MTV, c'est ce que j'ai marqué sur ma critique. MTV des années 2000, la scène du matelas, non ? Ah, mais c'est tellement. Mais c'est dégueulasse, quoi. C'est ridicule. C'est ridicule, enfin, la lumière, elle est horrible. Ouais, c'est l'une des rares que j'ai trouvé jolie. Ouais, je sais pas, j'ai pas. Ou alors quand il regarde dans les... Parfois il y a des. Ouais, j'ai aussi dit, il y a des ralentis. Ah non, attendez. Non, la scène du matelas, je parle en termes de symbolique. Non, ce qu'on voit, le flashback, il est beau. C'est ce qu'il y a autour qui est moche. Je me comprends, je m'expliquerai après. Ouais, je sais pas, j'ai trouvé des trucs clipesques comme ça, les moments qui sortent de nulle part un peu, mais qu'on trouvait déjà dans les autres films. Mais là, je trouve que c'est ridicule, quoi. C'est limite un passage obligé. Ouais, je pense, voilà, c'est complet. On sent qu'il est obligé de le faire pour faire plaisir à sa fanbase. En fait, il nous fait écouter sa playlist, c'est cool. Mais bon. Les musiques. Ah, mais pour moi, le film est encore plus raté à cause des musiques. Hein. C'est. Tous les choix musicaux de ce film sont mauvais. C'est une histoire de goût, c'est vrai. Hein. Je vais pas non plus dire. T'aimes Ozone, t'aimes Moby. C'est une histoire de goût. Moi, personnellement, j'aime pas. Et par exemple, sur Moby du Céline Dion, je suis pas super fan. Et pourtant j'ai bien aimé, donc il y a un problème avec l'utilisation des musiques dans le film, et il y a des ralentis qui servent à rien, on se croirait dans un film de Zack Snyder, par exemple il regarde un peu au-dessus de son épaule et d'un coup hop, un ralenti, on sait pas pourquoi, il y a les violons qui viennent vous marteler le cerveau, enfin c'est insupportable. C'est vraiment insupportable, voilà. Il y a deux, trois bonnes idées. Enfin, je trouve que l'idée globale du scénario est intéressante. Elle est mal exécutée, mais elle est intéressante. L'idée de parler du dialogue, des différentes formes de dialogue, comment on peut s'exprimer, etc., je trouve ça très intéressant. Mais comment c'est interprété, comment c'est réalisé, comment c'est fait, c'est mal fait. Voilà, c'est vraiment quand je suis sorti de la salle, j'avais mal au crâne, mais vraiment pendant au moins 2 heures, déjà parce que la musique était trop forte et que voilà, c'était des violons à ressasser des violons, on n'en pouvait plus, la musique de Gabriel Yared qui est insupportable, voilà. Et tous les choix de la playlist en plus sont personnellement, moi j'ai trouvé. Non, la musique d'intro elle est très bien. Ah, puis même la musique avec la scène du matelas, je la trouve magnifique. J'arrête pas de l'écouter cette musique là. J'avais envie de. Ah, j'adore. D'intro, Numa Numaye. Ouais, hein? Alors moi rien que ça, c'est pas possible. Mais aller foutre Ozone dans un film, c'est quand même le summum du mauvais goût. Du mauvais goût, ouais. Hein? Sans déconner. Ouais, tu mets du Céline Dion, ok, c'est populaire peut-être, mais bon, c'est. Elle a de la voix, cette fille, cette femme. Bah, c'est les trésors nationaux, esprit. Voilà, non mais... Mais tu fais Ozone, quoi. Attends, c'est trois mecs qui dansent sur une aile d'avion, bordel. Ouais. C'est de la merde. Ce qui m'a fait rire, enfin, c'était la réaction de Vincent Cassel. On n'arrête pas d'écouter de la musique de merde dans cette maison. Et une musique de crétin. Ouais, musique de crétin. C'est nous, hein. Ouais. Et puis malgré tout, tu rigoles un peu. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Il esquisse un sourire. Il y a des petites piques comme ça. Il y a des petites piques comme ça dans le film qui sont intéressantes. Mais voilà. Après, il y a tellement de trucs qui l'entourent, de mauvaises choses qui l'entourent que, ben voilà, ça fait un film vraiment, mais très très moyen, qui oscille vers le nul. Eddy, tu voulais peut-être continuer sur. Oh bah allons-y gaiement. C'est avalanche. Ouais. Alors moi je trouve je vais y aller dans les mauvais, dans les bons points, c'est un peu tout mélangé, hein. C'est un peu comme le film en fait. C'est ah ouais, complètement. Loubi-boulga. Mais c'est un ascenseur émotionnel, enfin non, pas émotionnel, mais un ascenseur de génie, vraiment. C'est un ascenseur en panne, quand même. Hein. Ouais, donc, moi je trouve qu'il y a une volonté de vouloir faire transparaître les émotions à l'écran. Ça, c'est indéniable. On sent qu'il cherche à le faire. Sauf que je trouve que le texte de la garce, apparemment, il a voulu le garder original. Alors, du coup, je trouve que c'est pas adapté du tout. Ouais. Le problème, c'est qu'un texte de théâtre, c'est pas forcément adapté à un jeu en live, quoi, dans un film. Donc, je sais pas. Je pense que là, il y a un souci de ce côté-là. Donc, c'est l'adaptation de la pièce en elle-même, hein, pas le texte original est certainement très bon, mais je pense que l'adaptation de la pièce ne fonctionne pas, en fait. Ouais. Déjà, dans un premier temps. Dans un second temps, je trouve que le personnage principal, il est amorphe, quoi. Ouais. Il est inintéressant, ce mec. Même pour Gaspard Ulliel, l'interprétation, elle est mauvaise. Il y a pas de prestance, il y a rien. Joue comme dans Saint-Laurent, en fait. Mais dans Saint-Laurent, ça collait bien. Non, dans Saint-Laurent, il y a quelque chose. Là, c'est Jennifer Aniston dans Cake, quoi. T'as envie de lui coller des baffes. Exactement. T'as envie de le dire, mais putain, mais crache là, Tavalda, quoi. Ouais. Ça fait 12 ans que t'es pas venu, tu reviens exprès, putain, tu fermes pas ta gueule, t'écoutes pas ta famille, tu parles, tu viens pour leur dire un truc hyper important, tu l'ouvres. Ouais. Alors, ok, c'est prévu comme ça dans l'histoire, il va rien dire. Mais je trouve que dans son jeu, rien ne transparaît. Il n'y a pas de... On sent pas ce qui devrait se jouer dans le personnage, parce que visiblement ça se joue même pas, ça ne se joue pas dans l'interprétation, et on ressent pas ce sentiment où il se dit j'en ai ras le bol, je dois leur dire, il faut que je leur parle, ça va chier, quoi, il faut que j'en parle, mais non. Et même si ça ne se fait pas, mais on ne ressent même pas ça. On ressent pas ce désir du personnage. Ouais. On reste dans des dialogues, des trucs hyper machin. Il lui parle de ce qu'il a fait à l'aéroport. Enfin, mais je veux dire, quand Vincent Cassel, il explose dans la voiture, ce qui pour moi est l'une des meilleures scènes du film quand même. Ouais, ouais, pareil. La voiture, c'est. Ouais. Mais moi, je suis complètement dans l'optique de ce mec-là, quoi. Vincent Cassel, t'as envie de lui dire les mêmes choses à Gaspard Ulliel dans ce film. T'as envie de le dire, qu'est-ce que j'en ai à branler de ce que t'as lu comme magazine à l'aéroport, quoi. Ça fait 12 ans que je t'ai pas vu, tu peux pas me parler d'autre chose. Enfin voilà, il y a ça. Après, bon, les acteurs sont clairement sous-employés. Hein. Moi, je suis désolé, Marion Cotillard. Au départ, j'ai vraiment eu du mal parce que je me suis dit, il y a un gros problème. Marion Cotillard joue très mal et c'est limite Léa Seydoux qui joue bien. Je me suis dit, là, il y a un gros, gros, gros problème. Et en fait, Marion Cotillard, c'est volontaire, bien sûr, ce jeu. Bah oui, c'est vrai. C'est volontaire, et finalement, elle est complètement sous-employée, je trouve. On l'a fait bégayer, on l'a fait pas finir ses phrases, je trouve que c'est du gâchis, quoi. Avoir Marion Cotillard pour lui faire jouer que ça, je trouve que c'est d'une... Et il aura beau nous dire dans les interviews que, mais oui, mais tout passe par le regard, machin, peut-être... Mais c'est quand même d'une tristesse absolue de pas faire profiter plus que ça à Marion Cotillard, qui est quand même capable de faire mieux. Enfin, quand quelqu'un est capable de s'effacer derrière l'interprétation qu'elle fait d'Edith Piaf, parce qu'elle s'efface derrière le personnage, c'est qu'on est capable de faire autre chose que du bégaiement et des phrases pas finies. Et voilà. Donc ça m'a vraiment énervé. Léa Seydoux. Il est assez doux. Ouais. Qui est pas bonne, qui est pas mauvaise, mais qui a encore un rôle chiant. Et Nathalie Baye. Alors là, Nathalie Baye qui fonctionne que par onomatopée, quoi. Elle fait plus du bruit qu'elle ne joue. Mm. Alors ah bah ça, c'est pareil, c'est triste. La scène dont parlait Axel, elle met direct dans le bain. Non, mais le pire, c'est que voilà, elle s'est coupée. On a un plan juste pour voir la voir en train de faire. Mais moi, j'étais avec la personne avec qui je suis allé, mais on s'est regardé. Et je lui fais. Le pire, c'est que c'est même pas. Et on en est à 4 minutes de film à ce moment-là. Ouais. Hein. Le pire, c'est que c'est même pas mauvais à un point où on a envie de rigoler. On est gêné. Oui, puis c'est surjoué. Puis juste après, t'as le plan, elle est assez doux. Elle était tellement bien dans Lawrence Anyways, Nathalie Baye. Ouais, ah oui, mais tellement. C'est une actrice géniale, c'est une actrice absolument merveilleuse. Ouais. Voilà. Mais je trouve ça triste. En fait, ce qui m'a vraiment déçu, c'est de réduire d'aussi bons acteurs, même si j'aime pas les assez doux. Pas trop. C'est de réduire ces acteurs-là à aussi peu de choses, quoi. Le seul qui explose vraiment et qui m'a touché, c'est Vincent Cassel. Je trouve que... C'est attendu. Oui, il fait du Vincent Cassel, mais bon... Il fait du Vincent Cassel, mais c'est le seul qui exprime quelque chose dans ce film. Vous regardez Mon Roi, vous regardez ce film-là, ils l'ont dit dans le cercle, hein. c'est le même personnage. C'est la même chose. C'est ça. C'est vraiment... voilà, c'est... Bon, en plus, c'est bien, hein. C'est long. Hein. Enfin, le film est vraiment long. C'est 1h30, hein. C'est long. C'est vraiment très très long. Et voilà. Après, bon, il y a quand même. Moi, j'ai noté 3 scènes qui subsistent et que je trouve assez jolies. Donc, il y a la scène de flashback qui peut paraître de mauvais goût, mais je trouve que ça va. Avec un petit clin d'œil à Titanic, n'oublions pas. Je sais pas. Ah bon ? Oui. J'ai pas remarqué. Tu sais le moment où il dit au revoir à son avec il pose la main sur le carreau exact. Ok, j'ai pas remarqué. Oui, parce que Xavier Dolan, c'est son film préféré, hein. Ouais, voilà. Donc bon, ça, je suis parfaitement d'accord avec lui. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire, si l'autre scène, moi, qui m'a quand même touché un minimum, parce que je trouve que dans la mise en scène et dans l'idée, ça fonctionne bien, c'est la scène la voiture. Nathalie Baye fume une cigarette. Ouais. Et que lui, il est là avec elle. Et je trouve que le discours de la mère est abject, parce que finalement, son fils n'est pas venu depuis 12 ans, elle en a rien à foutre, elle veut qu'il s'occupe que de ses frères et sœurs. C'est ça. Mais je trouve que dans l'intention, en fait, la scène fonctionne. C'est-à-dire que lui, il est absent, il ressent même pas forcément grand-chose quand il serre sa mère dans les bras. Je trouve que sur ce côté-là, là, les émotions fonctionnent. On sent qu'il y a un truc qui se passe. Mais c'est quand même minime, hein. Ouais, et après, la voiture, avec la scène de la voiture avec Vincent Cassel, qui est certainement le pic du film. C'est là c'est la seule que je retiendrai. Mais tu vois, genre, même dans les réactions des personnages, il y a tout qui est illogique. Hein. Mais pourquoi tu veux revoir la vieille maison? Pourquoi tu... Enfin, et après, Vincent Cassel qui lui dit aussi que son copain est mort d'un cancer juste après lui avoir déblatéré. Enfin, voilà. Il y a des trucs comme ça, il y a plein de... Il y a cette volonté qu'il a de vouloir être le connard de base dans ce film. Ouais, en fait. Voilà, c'est ça. Et c'est tellement bourré d'illogique. Enfin, c'est illogique. Tout. Après, le final est assez absurde là avec l'oiseau numérique. J'ai pas compris l'intention du truc. Là, j'ai pas compris le dernier plan. Et c'est toujours une énigme. Hein. Là, je comprends pas où il veut en venir, pourquoi le coucou sort comme ça. L'oiseau représente Louis qui va vers une lumière et qui va mourir. Ouais, voilà. Je pense qu'il faut aller dans des symboliques un peu comme ça pour comprendre le truc, mais c'est débile. C'est lourd. Et après, le film, c'est quand même ultra prétentieux, quoi. Complètement. Je l'ai mis dans mes critiques, mais c'est vraiment... Et attention, c'est un fan de Dolan, hein. Eddie adore Nolan. Ouais. On le précise. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Je défends Dolan bec et ongles d'habitude. Et là, c'est pas possible. Je peux pas passer outre ça. C'est vraiment le côté ultra prétentieux où voilà, c'est l'érudit parisien, l'auteur à succès qui revient dans qui revient chez les manants de la province là où on se parle pour se dire n'importe quoi, où on a des goûts de merde en musique, où on parle de ses enfants machin parce qu'ils ont le même prénom machin, où on est enfermé dans des traditions, mais je trouve ça, mais c'est abject de voir ça en 2016. Bon, après, quoi. Ça vient de la pièce. Hein, ça vient de la pièce, mais tu sens qu'il a tellement envie de le mettre en avant. Ah oui, oui, ça, c'est sûr. Et c'est ça, moi, qui m'énerve. Mmh. Je reproche pas à la pièce, elle est scalée. Mmh. Et après, je pense qu'il en fait vraiment une très mauvaise adaptation. La pièce est peut-être très bien, hein. Vraiment, elle m'aime très bien, la pièce, parce que elle est bien notée. Enfin, les retours sur la pièce sont quand même assez positifs. Mais je trouve que là, non, quoi. Et c'est vrai que ce côté prétentieux, là, pour le coup, je le ressens. Bah moi oui, qui étais toujours en train de dire, non, c'est pas si prétentieux que ça, Dolan. Mmh. Ça va plus vers le réalisme que le prétentieux. Là, pour le coup, c'est prétentieux à mort. Ça fait un peu comme les amours imaginaires. Je trouve que c'est un peu prétentieux, les amours imaginaires. Oh, mm. Un petit peu. C'est vrai. Et Tom à la ferme aussi, qui aurait tendance à aller dans ce côté-là où c'est lui, le mec qui vient de la ville et qui tombe chez les bouseux de la campagne. voilà. Et on est un peu là-dedans, mais je trouve que c'est voilà quoi. Ah, mais c'est puissant. C'est lui, hein. Lui, il arrive et forcément il est auteur, donc il a une aura comme ça particulière. Ouais. Il sait des choses et eux c'est des niais quoi. C'est des ils se voient tous les dimanches et voilà. Ouais. Moi ça m'énerve ça. J'ai pas envie de voir ça et ça m'énerve parce que Dolan il est plus intelligent que ça et je pense que c'est con qu'il aille dans des idées comme ça de scénario et dans des représentations comme ça, je trouve que c'est crétin. Je pense que c'est quelqu'un de... Oui, il aime se regarder, Dolan, ça d'accord, mais je pense qu'il est suffisamment intelligent pour pas tomber dans des travers comme ça, et là, et il se plante, quoi. Ouais, pour pas trop le montrer non plus, parce que là, il le montre clairement. Ouais, c'est ça. Alors là, non, désolé Xavier, mais... non, là, tu te plantes, quoi. Et c'est pas un fan de Fast and Furious qui te critique, hein. C'est quelqu'un qui aime tes films à la base, donc écoute... non, je suis désolé, mais juste la fin du monde, c'est pas bon. Ah, c'est clairement pas bon et c'est raté surtout. C'est raté. Mais bon, voilà. Tant pis, on verra bien son prochain film. Premier film américain. Voilà. Franchement, s'il nous refait le même coup avec le casting qu'il a dans le prochain film. Je me demande si le studio va pas un peu le calmer. Parce que c'est pas du tout la même chose. Mais ça va peut-être lui faire du bien de se confronter à des Américains très directifs et qui imposent vraiment des choses. Ça va peut-être lui resserrer un peu la vis. Il a pas vécu une chose comme ça. Il est très très auteur dans son cinéma au Canada et en France. Il a la liberté de faire tout ce qu'il veut. Aux États-Unis, ce sera pas la même chose. On verra bien comment il se démerdera. Mais j'espère qu'ils vont un peu lui. Ouais. Ouais, complètement. Lui ronfler dans les bronches, mais j'espère que ça va faire, il va se passer quelque chose à ce niveau-là, parce que à un moment, il faut savoir où aller et où ne pas aller. Et là, clairement, il va pas dans la bonne direction. S'il continue sur la lancée qu'il fait là avec juste la fin du monde, c'est un passé de momie à ça, c'est quand même triste. Ah oui, c'est une belle descente, une belle chute. Ah oui. Et en plus, je voulais juste rajouter un truc sur le montage qui est absolument dégueulasse. Hein. En plus, c'est fait par lui. Hein. Donc, voilà. D'ailleurs, ça me rappelle le... Là, pour le coup, ça vaut pas le coup de se vanter de faire soi-même ses bandes annonces et son montage et choisir sa photo et machin. Le sketch du Palma Show qui avait parodié ça en nouveau film de Xavier Bolan où on voyait qui faisait tous les costumes, la photographie, le montage, apporter le café, des trucs comme ça, Mais je pense qu'à un moment, il faut peut-être savoir déléguer un peu et parce que peut-être qu'il se met une pression de ouf, je sais pas, mais je pense si c'est le cas, il faut qu'il se calme parce que là c'est un peu n'importe quoi. Ok, bon, on va passer à Morgan qui lui vraiment déteste le film. Et le pire c'est qu'il l'a vu deux fois. Hein, pour être bien sûr. Il l'a vu deux fois. Mais juste pour une scène. Désolé, j'ai eu un fou rire. Je vais vous l'expliquer pourquoi. Ok, vas-y. Parce que Eddie parlait du fait que Dolan va être confronté à des Américains qui vont être un peu exigeants, qui vont peut-être lui imposer des choses. J'imagine les Américains lui dire. Bon alors, écoute Xavier, pour la musique on te propose Michael Giacchino. Non, je préfère Chantal Goya en musique additionnelle. Le truc. Voilà, il en serait capable, le con. Enfin, le con. J'aime bien Dolan. Voilà, j'aime beaucoup Xavier Dolan. Enfin, j'aime pas Tom à la ferme, mais Mommy, souvenez-vous, il y a 2 ans tu déjà, as vu les... c'était mon film préféré de 2014, hein, clairement. Oui. Tu as vu. Et ça l'est toujours, hein. Même en ayant revu Interstellar et en confirmant que c'est un chef-d'œuvre. Et Gone Girl, lui emboîtait le pas, mais c'est vrai que, bon, Mommy, il se démarquait. Et moi, effectivement, j'ai vu le film deux fois. Alors, pourquoi ? Juste pour une scène. Parce que... Alors, pour ceux que ça intéresse, c'est ce qu'on appelle du sadomasochisme, quand même. Voilà. C'est du... Hein, oui, oui, clairement. C'est aussi... Non, c'est aussi tout simplement être au chômage et avoir rien d'autre à branler de sa vie. Non, en fait, si vous voulez, en voyant le film, la première fois, je l'avais vraiment détesté. Vraiment détesté. Et en fait, j'avais rien aimé dans le film. Absolument rien. Mais au fond de moi-même, il y avait... une petite scène qui se démarquait, c'était la fameuse scène justement avec le matelas. Alors là où je disais que la scène était ridicule, c'est dans sa symbolisme, mais la scène en elle-même, elle est extrêmement magnifique. Et la musique, je l'ai écoutée, je me suis dit merde, j'ai envie de revoir le film. Rien que pour ça, je veux le revoir. Juste parce pour que la je scène. Me suis dit, tu sais, tu pouvais. Ouais, je sais pas. Non, pas juste pour la scène. Je me suis dit, et si j'étais passé à côté d'un grand film et je l'avais pas vu, c'est possible. Il y a plein de films comme ça. Dernier exemple en date, ça commence à dater, mais La Vénus à la fourrure de Polanski. Mmh. Je l'avais vu le lundi, j'avais détesté. Je l'avais vu le jeudi, j'avais détesté. Je l'avais revu le lundi, j'avais adoré. Ouais. Il y a des films comme ça que j'ai besoin de revoir. Et je sentais que j'avais besoin de revoir ce film, parce qu'en effet, il y a des gens qui trouvent que c'est un film absolument magistral. Ah oui, mais faut pas l'oublier. Hein. Enfin, là, on est tous les trois à peu près du même avis. Il y a quand même des gens qui sont à le hisser à un des très hauts. Enfin, voilà. Oui. Qui aiment vraiment ce film. Voilà, c'est ça. Ouais. Ah, mais je tiens quand même à préciser qu'il est quand même parti pour être dans mon flop. Hein. Ah oui, mais moi, il est dans mon flop. Hein. Non, mais... Il le sera. Pour quelqu'un qui avait mis Mommy en première place il y a 2 ans. Voilà. Bah ouais, c'est. Tu sais. Et voilà, donc non, bah la deuxième séance n'a fait que confirmer tout le mal que j'en pense, si ce n'est un peu plus. Alors, je trouve. Bon, le jeu des acteurs, qui est pour moi profondément désastreux, il est un peu moins désastreux que la première fois, mais ça reste toujours pas ça. Ouais. J'ai du mal avec. Non, rien côté, que l'idée de revoir la scène où. Nathalie Baye crie au début, c'est surtout que la façon dont la scène est découpée, c'est-à-dire que chaque personnage qui parle, c'est un plan cuté, c'est cuté. On en a pas parlé, mais la musique omniprésente. Je l'ai dit, Ken. Oui, il l'a dit. Mais les musiques additionnelles, à part Ozone et Moby, je n'aime pas Moby, sauf quand il chante avec Mylène Farmer, mais je déteste Ozone. Enfin, je déteste Ozone. C'est rigolo à écouter, mais pas dans un film comme ça. Bon, après, c'est rigolo. J'aime bien les musiques un peu qui sortent du lot. Après tout, ça marchait dans Moby, pourquoi pas. Mais là, on sent que. Je suis assez même, d'accord avec Florence Foresti par rapport à Ozone. Ah, avec le sketch de l'avion. Ouais, incroyable, les Roumains. Mais non, mais c'est surtout que... On sent une volonté. D'ailleurs, je pense que... J'aimerais bien être une petite souris le jour où elle va découvrir le film. Elle. Elle qui déteste Ozone. Ah bah, ce serait drôle. Ah oui. Ce serait très drôle de la voir. Bah oui. Mais par rapport à cette scène, pour moi, c'est symptomatique et c'est là où je me suis dit non, parce que il y a beaucoup de personnes qui sont sorties en disant, vous verrez, Dolan, il arrive à remettre Ozone il arrive à faire d'Ozone un tube génial. Et j'ai compris quand même l'esbrouf derrière tout ça, qui est de surfer sur la vague de Mommy, le gros succès de Mommy, parce que Mommy, ça reste son film qui a fait le plus l'unanimité, clairement. Ouais. Beaucoup de personnes, dont moi, voulaient qu'il ait la palme d'or. Tu le vois dans les notations et tout, Mommy, il reste à 8 et quelques, je crois, sur Sens Critique. Sur Sens Critique, déjà, quand tu dépasses les 6,5, tu te considères comme un bon film. Ouais. Et sur Vodcaster, c'est un des 15 films les mieux notés. Hein. Il en est à dans les 80, il a 88%, hein, vraiment. Ouais. Et moi, le premier, j'étais le premier à dire qu'il méritait la palme d'or, que partager ce prix avec ce crétin de Jean-Luc Godard, là. C'est Godard, c'est ça? Oui. Oui. Oui. Adieu. Bah oui, non, mais adieu, crétin, parce que c'est ses déclarations qui me hérissent au plus haut point. Là, on sent quand même l'idée de refaire une recette qu'il a déjà appliquée. Du coup, il n'y a plus de surprise en soi. Et le film est vraiment insupportable. Alors, vous allez me dire, tu l'as vu deux fois, mon con. Mais oui, parce que j'étais persuadé d'être passé à côté d'un grand film. Finalement, non, ça reste insupportable, insupportablement verbeux. Bavard, ça parle pour ne rien dire, ça piaille pour rien, c'est un film qui prend son temps, je trouve les personnages tellement antipathiques, mais franchement, entre mourir et avoir une famille comme ça, mais je préfère la première solution, je suis désolé, c'est surtout tout ça pour ça, je vais pas spoiler la fin, mais bon, c'est on spoilé que un je peu, me suis dit, ouais, bon, bah on n'a pas spoilé... Je sais pas si on peut le dire, mais tout le monde a vu le film. Non, mais de toute façon, on l'a dit, mais on dit rien là, c'est bon. On dit rien, bon, je me suis dit, j'ai quand même payé ma place pour voir un certain truc et ce certain truc n'est pas arrivé. Mmh. Du coup, pour être un peu évasif. Il y a une sensation de frustration quand tu sors. Hein, c'est... Mais oui, ouais, je me suis dit, mais tout ça pour ça. Au final, il n'y a rien. Alors oui, effectivement, tout passe par le dialogue, les regards, c'est du théâtre filmé, je veux bien l'entendre. Et justement, je faisais le parallèle avec la Vénus à la fourrure. La Vénus à la fourrure, c'est du vrai théâtre filmé. En plus, ça se passait dans un théâtre, donc du coup, Polanski arrivait à rendre ça très cinématographique. Dans la Vénus à la fourrure, le cadre du théâtre n'est pas là pour rien, surtout, c'est un huis clos, déjà. Voilà. Et là, ça, là, c'est, là, plus... là, il joue sur le côté huis clos, sauf que ça sert à rien, quoi. Enfin... Bah oui. Voilà. Et là, c'est vraiment, il n'y a rien de cinématographique dans ce film. C'est bourré d'effets, pour le coup, extrêmement pompeux, qui sont, là, c'est de l'auto-complaisance, et aussi de la, de, une manière de dire à un public, parce que Dolan a quand même une fanbase qui est assez impressionnante. C'est vrai que sur Twitter, quand j'ai vu que, il était prévu qu'il vienne, enfin, il est venu d'ailleurs, hein, à Paris pour une avant-première, mais ça a été la folie! Mais tout le monde était là, waouh, mon Xavier Dolan, mon Xav va venir, oh là là! Mais c'était assez, bon, vous me direz, si Tech Sheridan vient faire une masterclass, ce serait pareil. Mais, c'est vraiment, il a une fanbase qui est impressionnante, et c'est vrai que j'ose pas trop me piquer parce que, ils peuvent être un peu susceptibles et vous taxer de haine, de hater, etc. Ouais. Et encore une fois, Mommy est un film que j'adore. Mais c'est vrai que là, j'ai eu l'impression qu'il savait que, quoi qu'il arrive, à quelques exceptions près, n'est-ce pas, Eddie, ce film allait quand même plaire aux fans, il a fait tout ce qui était attendu, quoi. Ah oui, mais c'est trop attendu. Tellement mal, c'est insupportable. Mais moi, c'est ça qui m'a énervé, c'est que, moi, ce que j'aime chez Xavier Dolan, c'est qu'en général, il y a une vraie fougue, il y a vraiment quelque chose derrière. Et là, il ose rien, quoi. Mmh, ouais, complètement. Même s'il y a des sujets similaires dans ses autres films, il y en a pas un là, c'est son sixième film, il y en a pas un des cinq premiers qui se ressemblent. Mmh. Hormis Mommy et là, J'ai tué ma mère, peut-être, qui ont vraiment des grosses similitudes, mais même dans la manière de faire, c'est pas pareil. Et c'est que du confort. Et là, c'est un mix improbable entre Mommy et Tom à la ferme, mais voilà, enfin, tout ce qui, enfin, et ça ne fonctionne pas. Mm-mm. Mais et pas puis, du tout, c'est de la merde, quoi. La scène, voilà, la scène sur Ozone, c'est vraiment du ressucé de, tiens, ça a marché dans Mommy, ça marche là. Et en plus, moi, ce qui m'a déçu, parce que Mommy, si j'aime autant ce film, c'est parce que c'est un magnifique portrait de femme, au pluriel. Il y avait d'un côté Anne Dorval, il y avait d'un côté Suzanne Clément. Et d'ailleurs, je trouve qu'Anne Dorval joue beaucoup mieux la névrose, enfin même c'était une névrose un peu différente que Nathalie Baye qui est dans le surjeu permanent. Mais j'étais sorti de là en me disant, mais je suis amoureux de ces deux actrices. Et Nathalie Baye et Marion Cotillard, que j'adore infiniment, je fais pas partie de ceux qui la bâchent. Parce qu'effectivement, ceux qui la bâchent en ayant vu Inception et The Dark Knight, je peux rien pour vous. Voyez le Audiard et le film des Dardenne. J'adore même Léa Seydoux, que j'aime pas à la base, qui est peut-être l'actrice qui s'en sort le mieux du film, mais je me suis dit, c'est dommage que même les femmes, alors qu'il sait les mettre en valeur, il sait les sublimer, même ça, ça prend pas. Même ça, ça prend pas parce que la mise en scène, c'est froid, je trouve que ça ne raconte absolument rien, c'est dénaturé au possible, complètement désincarné, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'émotion, c'est froid, et vraiment, mais j'ai trouvé ça antipathique. De la mise en scène au personnage, c'est antipathique. Et effectivement, le personnage de Gaspard Ulliel, je le trouve absolument détestable. Ah bah oui. J'avais envie de le secouer en disant, mais dis-le, non, mais, bordel, ouais, dis-le. Ouais, je veux bien que ce soit difficile, hein, c'est normal, enfin, c'est normal que ce soit difficile d'annoncer à ses proches qu'on a une maladie grave et qu'on va mourir. C'est normal. Oui, mais avec une famille comme ça, c'est bon débarras, hein, mais sans regret, hein. Mon Dieu. Mais voilà, et puis, mais. Pour le coup, c'est vrai. C'est abusé. Quoi, c'est vraiment il fait même pas un petit effort pour essayer d'en parler, c'est même pour enfin voilà, c'est vraiment mal fait, quoi. Et puis il y a des effets attendus, les scènes de dispute, on les avait dans Mommy aussi et ils nous les refourguent, ouais. Et en plus ça arrive alors qu'il y a même pas de raison, le personnage de Vincent Cassel, il s'embrouille pour n'importe quoi, oui, puis au final quoi de plus, mais franchement quoi de plus, mais convenu, parce que on se doute bien que c'est le personnage le moins expressif, mais au final, c'est lui qui souffle le plus de l'absence de son frère. Sans blague, c'est le personnage qui parle le moins, qui est le plus attristé. Mais le truc qu'on a vu 20 000 fois, et quand Vincent Cassel pète les plombs à la fin, j'y crois pas. Là, pour le coup, je trouve qu'il en fait trop, parce que je trouve la réaction du personnage tellement démesurée. Je veux dire, quand je regardais Mommy, les scènes d'embrouille, vous savez, ça partait de rien. Mommy, c'est ça qui était formidable. Là aussi, c'est pareil. Sauf que dans Mommy, j'y croyais. Mommy, ça partait d'un cadeau. Il offre le collier. C'est ah, tu l'as volé. Non, je t'ai dit. Là, ça partait vraiment en éclat et tout. Puis justement, cette histoire de 4, c'était très bien parce qu'on était au plus vraiment au plus profond avec eux. Enfin, c'était très intimiste. Ouais. Là, effectivement, les cadres, bon, le cadre il est plus élargi, mais les plans sont davantage resserrés. Mais du coup, ça aide pas. Enfin, moi, ça, c'est pas en me mettant la caméra sur le nez de Vincent Cassel avec les gros yeux tout plein de larmes que je vais me dire, putain, je vibre. Qu'est-ce que c'est émouvant. Je vis le film. Ah non, non, non, non, non. Ouais. J'ai envie de me barrer, moi. Ouais. Et enfin, j'ai envie de me barrer. C'est paradoxal, j'ai vu deux fois. À 20 minutes à 20 minutes de la fin, c'est juste, on a envie de se barrer hein, complètement. Mm. Ah mais vous savez que j'ai regretté parce que quand je suis allé voir une seconde fois. Ah mais t'aurais pu te barrer après. Quand j'ai revu la scène d'intro, voir. J'ai fait « Oh putain, oh non, j'ai entendu. Attends, j'ai fait une grave erreur. J'ai fait une grave erreur. Et non, le pire, c'est quand même la caissière du cinéma avec qui j'avais parlé 2-3 jours avant et elle avait été témoin parce que je parlais avec un gars là-bas où je disais que le film était mauvais. Et quand elle a déchiré mon talon, elle me fait « Mais vous êtes pas trompé de film, vous ?» Et non, pourquoi ?« Ben, vous avez pas aimé ?» Je dis « Non, mais je vais le revoir. » Elle me fait « Ah d'accord. Et elle a pas compris dans sa tête, elle a pas compris la démarche. Je vais vous inquiétez pas, je me comprends moi. Ouais. Et en sortant, mais elle a voulu alors, appeler c'était bien, le psy psychiatrique après. Pire. Bon après voilà, au niveau des musiques, voilà, je retiens qu'une scène, qu'une musique. Voilà, au moins il y a un peu de grâce dans le film. Ça dure quoi 2 minutes. Mais la scène en question, je la trouve très belle, mais c'est la symbolique qu'il y a autour, parce que voilà, en effet, la symbolique du film sur la mort. Tout est dans la métaphore visuelle, le coup du moineau à la fin. Enfin, non, mais ça, c'est abusé. Tout est dans la lourdeur permanente. Il n'y a rien de subtil, alors que Mommy, c'était un monument de subtilité, d'émotion, de grâce. Là, c'est lourd. Là, pour le coup, voilà, j'avais dit qu'Éternité, c'était un film obèse. Mais là aussi, ça aussi, c'est un film obèse totalement. Il n'y a rien contre les obèses, je vous le dis. ok, bon, bah, après avoir joyeusement défoncé juste la fin du monde, on va pouvoir passer à la Minute Nerd sur un sujet que Morgane apprécie énormément. Donc à la dernière rubrique de ce podcast, on va parler, enfin c'est la Minute Nerd, donc je vais laisser Morgane parler puisque c'est son choix, donc vas-y, oui. Je te laisse là. Et nous le respectons. Et nous le respectons. Voilà. Voilà, ne le jugez pas s'il vous plaît, merci. Voilà. Impossible de me juger là-dessus, mais en même temps ceux qui me suivent, voilà, il n'y a aucune surprise, je dois le dire. Mais j'avais envie parce qu'on est dans l'actualité, parce que ce mois-ci, nous avons le retour d'une série qui, pour ma part, est un petit bijou, à savoir The Walking Dead. La saison 7 revient hein, pour le 23 septembre et 23 octobre, pardon. Et nous serons dans l'épisode 7, enfin dans le. Oh merde, je m'embrouille. Dans le premier épisode de la saison 7, donc, qui est la fameuse victime de Negan. Le suspense est à son comble depuis un an. Personnellement, je suis au bout de ma vie. Et j'avais envie de réhabiliter la série parce que j'ai eu un rapport extrêmement compliqué avec cette série que j'ai commencé par adorer. Que j'ai continué à adorer un petit peu jusqu'à la saison 3, et à la saison 4, il y a eu un petit flottement, et à la saison 5, j'ai décroché, j'ai dit que cette série était une épouvantable arnaque, que c'était chiant, qu'il n'y avait rien, et à la saison 6, j'ai regardé le premier épisode, j'ai dit « Oh, c'est bon, ça me saoule, The Walking Dead, c'est de la merde ». Et c'était quand au moment de la fin de la saison 6, donc à l'arrivée de Negan, personnage très attendu hein, par les fans du... C'est pas le film des Yerto qui t'a un peu qui t'a un peu redonné envie de. Oui, c'est vrai parce que oui, c'est vrai. En voyant des Yerto, j'ai été frappé par la perfection, en tout cas, de jouer les enfoirés, hein, par Jeffrey Dean Morgan. Et je me suis dit, ah donc c'est lui qui joue Negan. Bah tiens, je vais jeter un œil à la scène de fin. J'avais pas vu à la saison 6 hein, du coup. Hein. Je vais jeter un œil à la scène de fin et j'ai été frappé. Et rien que par même ce dernier plan est absolument. C'est pour moi un des plus grands plans de fin de série de l'histoire de la télévision. Je le mets au même niveau que Lost, hein, clairement, hein, la saison 3 avec We Have to Go Back. C'est tétanisant de génie, clairement. Il y a beaucoup clairement. Qui disent quand même que c'est vraiment de l'arnaque de finir comme ça. Moi, c'est vraiment prendre les gens pour des cons. Alors moi je pense pas parce que c'est s'assurer, tu sais, c'est un peu le truc fait pour ouais le, notre premier épisode de la saison 7, ce sera le plus regardé de toute l'histoire des séries télé. Ouais, c'est un peu un truc que tu vois dans, enfin moi je regardais pas la série mais je sais que dans Dallas ils ont fait ça aussi et ça avait fait assez, enfin il y a eu pas mal de pour la mort de JR, ouais, je crois. Pour la voilà, il y a eu pas mal de bruit parce que genre ça se finissait sur un coup de feu et on savait pas qui était mort et il devait, c'était la fin de la série hein, pour le coup là. Ah non non, il y avait, c'était la fin de la série hein. C'est sûr, à la fin de la série on voit JR avec pas Dallas, un flingue sur la tempe. D'accord. Et on entend un coup de feu, son frère donc Bobby Ewing rentre et il dit oh mon dieu, et la série là finit. D'accord, je savais pas que je parlais à un fan de Dallas, je suis désolé. Non, mais j'ai regardé un petit peu Dallas, j'avoue. Oh, j'avais un papa très fan. Bah, j'avais mon papa, il était fan. Enfin, il est toujours fan, hein, d'ailleurs, il est vivant. Donc, non, je pense que le but d'une série, au bout d'un moment, c'est que les gens reviennent. Et ils ont tout misé, je pense, effectivement, sur le premier épisode qui va. Enfin, le saison 7, épisode 1, qui va arriver. Épisode 1, pardon, qui va arriver bientôt. Parce que Negan, l'arrivée de Negan va tout changer dans la série. Il y a eu un avant et un après Negan. Alors, pour reparler un peu de la série dans sa globalité, je trouve que toutes les saisons sont bonnes. La 5 est très faible, j'avoue. C'est vraiment celle qui m'a moins refait la série. En deux parties. La première partie de la saison 5 avec l'histoire de Bess à l'hôpital, j'avoue, j'étais moins dedans. Je trouvais que c'était un peu plus chiant, que ça prenait trop son temps et que ça me prenait du temps pour raconter des trucs en 3 épisodes alors que ça pouvait se tenir largement en 40 minutes. C'est du vrai, je suis le premier à le dire. C'est... Oui, la saison 5 est vraiment mauvaise. Mais la 4, je l'ai redécouverte. La 4, c'est une des meilleures, clairement. La 4 est incroyable. Il y a des scènes d'une poésie absolument dingue. Et je trouve que The Walking Dead, voilà, c'est là où je l'aime pour les raisons qui faisaient que j'avais décroché. Mais en fait, c'est ce qui m'avait fait défaut, c'est que, comme tout fan de série, moi je regardais la série, vous savez, chaque année, un épisode par un épisode, mais Walking Dead, ça faisait depuis 2010 quand même. Et c'est vrai que, bon, bah, 4 ans à suivre des épisodes, on va dire, de manière, un épisode par semaine, moyennant un an de creux, sans compter la pause hivernale qui est un peu casse-bonbon, du coup, bah, je m'étais un peu décroché j'avais décroché des personnages, j'étais plus attaché à eux. Et le fait d'avoir revu la série sur Netflix, vraiment, je les ai tous enchaînés, en reconnaissant que la saison 5 était la moins bonne. Mais j'avoue que je me suis à nouveau replongé dans la série, que je trouve incroyable de richesse dans l'univers. Je trouve les personnages extrêmement bien façonnés, ils sont tous identifiables. Enfin, moi, personnellement, j'ai mes préférés. Hein. Bon, bah, je suis Team Mission Forever et... forcément, Tim Negan. Alors qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais comment tu peux aimer ce personnage alors qu'on l'a vu que 10 minutes? Mais la force de Negan, c'est que Negan, c'est un personnage qui a été teasé depuis le début de la saison 6. Et c'est là le coup de génie de The Walking Dead, c'est qu'ils arrivent à teaser à construire des personnages alors qu'ils ne sont même pas à l'écran. Et c'est pour ça que la saison 7 va tout changer. Il y a un avant et un après Negan, c'est clair. Negan va changer les personnages. La série va partir dans quelque chose de différent. On va même aller, je le dis, hein, même s'il y a une guerre que je trouve ridicule entre les fans de Game of Thrones et les fans de The Walking Dead, comme si, voilà, c'est les fans de Game of Thrones n'aiment pas The Walking Dead parce que la série elle est concurrente dans les audiences et vice versa. Je trouve ça con. Je n'aime pas Game of Thrones, je le dis, mais je vais pas cracher sur la série pour justifier que j'aime The Walking Dead. Après, moi, je suis fan de Game of Thrones, mais si j'aime pas Walking Dead, c'est parce que ça me plaît plus, c'est tout. T'as arrêté au bout de la combien de saison, Eddie? La 5. J'ai été jusque. Je crois que j'ai même pas vu la fin. Si, j'ai vu la fin de la 5, c'est Alexandria, c'est ça, non? Oui. Oui, donc si j'ai vu toute la saison 5 et. C'était plus possible. Bah, j'avoue, la saison 5, la fin de la saison 5, il n'y a pas vraiment de fin. Enfin, c'est... Mais rien que la 4, là, tout le début de saison, la avec le gouverneur, ça traîne en longueur. Moi, c'est ça que je reproche vraiment à la série, c'est que les 3 premières, ça allait, et après, ils sont partis sur un schéma où il faut faire 16 épisodes absolument, et en fait, du coup, t'as quoi? Allez, je vais être gentil. T'as 8 épisodes, peut-être, qui sont vraiment intéressants, importants au niveau de l'intrigue et tout. Et les 8 autres, c'est du remplissage, où il se passe quasiment rien, et moi ça me saoule quoi, au départ, enfin voilà, c'est pas pour encenser Game of Thrones, mais Game of Thrones, il y a 10 épisodes, et voilà, il se passe des choses, et moi ça me saoule une série qui avance pas, c'est chiant quoi, et puis même, au bout d'un moment, je trouvais que ça cherchait à faire du gore pour faire du gore aussi, et ça me gonflait un peu, et je trouve que, voilà, c'est... Je trouve que c'est une série qui a, qui a, est parti, voilà, comme un éclair tout de suite, qui a vraiment très bien commencé, qui était prenante et tout, et je trouve que là, sur la saison 5, parce que j'ai pas vu la 6 du coup, sur la saison 4 et la saison 5, c'est retombé, mais d'une force. Moi, ça, pour que ça me fasse décrocher, parce que je suis pas du genre à arrêter les séries comme ça, moi. Franchement, c'était dur. Et American Horror Story aussi que j'ai arrêté, parce que ça me saoulait. Pareil, c'était du choc pour faire du choc, et ça avait plus trop de sens au bout d'un moment. C'est très rapide. Moi personnellement, j'ai vu la première saison, j'aimais pas mal. J'ai regardé les premiers épisodes de la saison 2, je me suis fait chier, j'ai arrêté. Je lis les comics qui sont très bien, voilà, point. Je peux comprendre que la saison 5, je suis le premier à le dire qu'elle est très faible, qu'elle a des gros problèmes de rythme, mais la saison 4, j'ai appris à la redécouvrir parce que c'est une saison, justement, en termes d'intrigue, c'est vrai que bien dans la saison 4. Hein, ça se passe où dans la saison 4 Saison 4, c'est après le gouverneur, en fait. Terminal, c'est ça. Ok, d'accord. Ah non, Terminus, c'est début de la saison 5. Terminus, c'est début de la saison 5 ? Ouais. Et justement, le Terminus est teasé bien avant, mi-saison 4, et c'est la fin du gouverneur. Et là, pour le coup, je trouvais, par exemple, ce qui est assez surprenant, c'est que, autant l'épisode centré sur le gouverneur, où on avait un flashback, où on le voyait après sa chute, la chute de ses pouvoirs, je me disais, putain, mais c'est con, putain, mais non, c'est pareil. Et c'est le même schéma, en fait, il est pas si méchant, il est un peu gentil. Et au final, ça passe tellement bien. Je sais pas, la saison 4, pour moi, c'est vraiment une des meilleures avec la 2 et la 6. La 2, enfin, le final de la saison 2 est beaucoup magnifique. Mais la saison 4, il y a des épisodes qui sont, je vais pas dire de remplissage, mais c'est des épisodes intimistes qui aident justement à faire qui font que la série, c'est pas du survival pur de zombies, c'est vraiment une série, pour le coup, très sur l'humain, et ça dit des choses sur l'humain, dans un contexte apocalyptique, sur comment est-ce que nous on peut changer, faire face à l'adversité, et plus la série passe, plus on se rend compte que les zombies, et c'est ça qui me dérangeait dans la saison 5, et que pour le coup je n'avais pas compris, et que je n'appréciais pas la série, alors que c'était pour ça qu'elle était géniale justement, et je l'avais pas remarqué, c'est que les zombies prennent une place secondaire, et c'est les humains qui sont de plus en plus menaçants. Ça a toujours été le cas. Negan, c'est la base de la série, tout ça. Bah oui. Je trouvais quand même qu'avec le gouverneur, c'était un peu plus. Ah bah non, le gouverneur. Enfin, ouais, après, j'ai pas vu la série. Donc, je peux pas prononcer comment ils ont fait ça, mais en tout cas, le gouverneur, c'est le pire des salauds qui existe. Je le trouvais quand même assez attachant, je trouvais pas si salaud que ça, en fait. C'est quelqu'un qui avait sa politique, mais au final, je pense que le vrai salaud, il arrive dans 20 jours, là. Et la série va avoir une dimension politique, pour le coup, parce que on va faire la connaissance, donc, de Negan, qui, lui, exploite clairement les gens dans le but qui bosse pour lui afin qu'il ait des ressources naturel, on va dire, il va former des jardiniers. Lui, c'est juste le grand Manitou. Il exploite les gens. Tiens, toi, tu me fais du jardinage. Toi, tu fais ça, etc. Et d'un autre côté, on verra Morgan et Carol qui, eux, ne sont pas parmi les, qui ne sont pas prisonniers de Negan, qui, eux, vont rencontrer Ezekiel dans le royaume, qui a pour animal de compagnie Shiva, qui est un tigre. Mmh. Et justement, le royaume. Alors, la gueule du tigre, en plus, dans le teaser qu'on a vu. Bah, il pouvait pas prendre un vrai, hein. Bah non, bien sûr, mais qu'est-ce que c'est bien. C'est la série. Bah après, je sais pas si c'était fini à ce niveau-là. Je sais pas. Peut-être qu'ils vont modifier le truc. T'attends pas à un Richard Parker. Hein. T'attends pas à un budget. Non. T'auras jamais un. Je pense que t'auras pas un tigre aussi beau que dans l'Odyssée de Pi. Ah non, mais vous savez bien de toute façon que j'attends plus, c'est pas le tigre. Hein. Heureusement, c'est le monsieur avec sa batte. Mais là, pour le coup, la dimension politique, je pense, va être poussée très loin, parce qu'en plus, même un peu biblique, ça, Ézéchiel, le royaume d'un côté, Negan et ses sous-fifres de l'autre. Donc il y aura vraiment cet affrontement entre les communautés. J'en parlais avec un ami aujourd'hui, il m'a dit, tiens, ça me fait penser à Game of Thrones avec la maison des Stark et la maison. Je fais peut-être éventuellement faire la comparaison à ce niveau-là. Mais moi, je pense que la série va prendre un tournant. J'apprécie énormément la série. Alors, je suis revenu de très loin, mais je suis persuadé vraiment que la saison 7 va amorcer un gros tournant dans la série. Et le producteur nous promet quand même un épisode 1 assez traumatisant. Et on nous a même dit que le meurtre de Negan sera rien à côté de ce qui va se préparer, quoi. C'est qu'on aura pire dans cet épisode-là. Et je veux bien le croire. Et ce que je lis sur Negan. Est-ce que Negan devrait mourir dès le début de la saison 7? Non, non, en fait, si tu veux, Negan, il a 10 victimes, et il fait un pouf-pouf, et à la fin, il d'accord, oui, le meurtre que va faire Negan. Voilà, c'est pas le meurtre Negan. De Negan. J'ai compris ça comme ça. Ouais, moi aussi. Ah oui, le meurtre de. Non. Et non, Negan, lui, il a encore des belles années devant lui, d'après ce que j'ai cru comprendre. Bon, dans les comics, on sait tous que c'est Glenn qui y passe, mais bon, comme il joue sur le suspense, c'est tellement attendu. Et puis ça s'est tellement éloigné apparemment du comics, donc du coup. Bah oui, parce que Daryl. Bah moi, je pense que c'est Daryl, parce que Daryl n'apparaît pas dans les comics, et sa mort n'aurait pas un. Daryl est déjà mort depuis longtemps. Hein. Oui, Daryl, c'est vrai que c'est un personnage qui lui me saoule un peu, donc ça me dérangerait pas, mais je pense qu'ils vont frapper fort à ce niveau-là, et de toute façon, quand on voit la... Parce que là où les personnes ont dit que c'était une arnaque, c'est dans le fait justement de pas montrer la victime. Moi, je trouve que ça contribue justement à la curiosité de la série, parce que même ceux qui sont pas fans disent « C'est vrai que je suis quand même curieux de savoir qui Negan a buté. » Donc, comme quoi ça marche. Et même moi, j'avoue, ça m'a aidé à me remettre dans la série. Outre le jeu de Jeffrey Dean Morgan ou de son personnage que j'adore, que je trouve éminemment classe, mais c'est vraiment le fait que les scénaristes ont réussi à me faire revenir dans le truc, quoi. Alors que j'étais complètement désolidarisé à la base. Obscur. Ah mais totalement. Non, voilà. Et je suis heureux vraiment là. Je vous assure, je suis heureux de revivre le truc, quoi. Je redécouvre le plaisir d'attendre une série, quoi. Et c'est mais vraiment. Et j'ai hâte d'être au 23 et je par avance, désolé, mais je sais que je vous saoule déjà avec lui, il y a des photos de Negan partout, sur mon mur Facebook, sur mon Twitter, mais comme la série va reprendre, ça veut dire nouvelles images, nouveaux trucs et tout, je risque de vous saouler encore un petit moment. Et je suis tellement converti à Negan que j'ai acheté une coque Negan sur mon nouveau téléphone et les gens dans la rue me matent avec ça. Je vous jure, c'est un peu gênant. C'est un peu gênant. On croirait entendre. Mais non, il y a des discussions dans le bus qui se. Bah, la semaine dernière, il y a un gars, il fait regarde, parce que j'avais les écouteurs, mais la musique était terminée. Le mec, il dit regarde, il dit à son pote regarde, le gars, il a The Walking Dead là. Il fait ah ouais, à ton avis, c'est qui est mort? Donc vous voyez, Negan, c'est populaire. The Walking Dead, c'est populaire. C'est. Voilà, c'est un sujet de discussion dans la société. On croirait entendre un membre d'un culte qui vient de se convertir. J'ai l'impression d'être Gilles Verdez dans TPMP. J'en fais trop là. Non, mais vraiment, c'est une série magnifique. Je comprends qu'on décroche, mais si les gens ont envie de s'y remettre, je pense que la saison 7 peut aider. Après, je comprends que la série agace parce qu'ils sont pas prêts de s'arrêter. Hein. Ils veulent faire une série aussi longue que Star Trek. Hein. Ah, ils l'ont dit. Hein. Oui. Bah. Enfin, aussi. Vraiment, ils veulent étendre. Et je pense que Walking Dead, ça va être ça. Je pense que c'est une série qui va être pas prête. C'est vrai, en plus, ça avait fait un spin-off Fear of the Walking Dead, d'ailleurs. Oui. Ah oui, ils ont fait Fear the Walking Dead, mais Fear the Walking Dead, il paraît que c'est pas bien du tout. Ils vont, je pense, continuer encore et encore. Moi, effectivement, bon. De toute façon, je reprendrai pas, parce que je suis sûr que le tigre va se faire buter. Ah, j'en sais rien. Vu que tous les animaux se font buter dans cette série. En même temps, c'est normal. Tout sauf Negan. On touche à personne sauf Negan et Michonne. Je le dis. J'arrête la série si on tue Negan, si on tue Michonne. J'arrête. Bah, ouais. Non, quoique. Non, c'est un porté malheur. Attention à mes souhaits. C'est vrai que ce doux plaisir d'attendre une série, ça fait long. Bah, je l'avais jamais ressenti. Enfin, ça faisait un moment que je l'avais ressenti, quoi. Bah, dernière fois, c'était pour la saison 4 de The Walking Dead, justement. Enfin, même la saison 5 avec le coup du Terminus. Mais j'avais vraiment déchanté. Hein. Comédie. Hein. Je me souviens, on avait regardé. La fin de la saison 4 ensemble sur Skype et on s'était dit mais c'est nul. Mais c'est tout ça pour ça. Et quand j'ai revu la fin de la saison 4, je me suis dit qu'est-ce que c'est badass, qu'est-ce que c'est classe, même voilà, c'est magnifique. Bon, ouais. C'est la minute nerd, mais ouais. C'est la demi-heure nerd. C'est le quart d'heure même. Ouais, c'est le quart d'heure, c'est la demi-heure. Mais écoute, voilà. Bon, voilà, je pense que t'as fait passer tes idées. Vous imaginez si t'as Sheridan joue dans le. Oh là là! Non. Ce serait bien. Ouais. Ça se trouve, c'est lui le tigre. Oui, il a fait de la motion capture. Bah, du coup, je le caresserai quand même. Hein. Voilà, donc c'était la minute nerd de Morgan, ou de Negan, comme vous voulez. Arrêtez! Le mois prochain, ce sera moi, je sais pas encore, peut-être une série, peut-être autre chose, on verra bien. Bah, tu feras un compte rendu de l'épisode. Oui, bien sûr, non mais bon. Là tu rêves. Hein. Et vous avez vu, ceux qui me connaissent, on a parlé de Ty Sheridan et de Negan. Vous avez vu, ça c'est un podcast pour moi. Voilà. Voilà. Donc je pense qu'il est temps de le finir. Ouais. Voilà, donc on passe à la fin. on est à la fin de ce podcast. Merci beaucoup d'avoir écouté ce numéro 28. Merci à vous deux, Eddy et Morgane, d'avoir participé, comme d'habitude. C'est toujours un plaisir d'avoir vos avis éclairés. Mm-hmm. Plaisir partagé. Même si on n'est pas des lumières. c'est toi qui le dis. Oui. Je vais faire le pitch d'habituel puisque voilà, il faut bien le faire. Vous pouvez retrouver toutes nos critiques et émissions sur le site moviesnerd.net. Vous pouvez retrouver le site aussi sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Donc Facebook c'est moviesnerd tout court et Twitter c'est movies_nerd. Voilà. Vous pouvez me retrouver moi sur Twitter et Sens Critique à TheLexal, TheLexal. Et je crois que c'est tout, donc on va passer à Eddy. Oui, moi c'est comme d'habitude, Sens Critique, Movies Nerd, Twitter si vous voulez, et c'est Stark. Ok, et Morgane. Et Morgane hein, sur Twitter, @cinemorgane, ou Morgane Cinémaniac, et sur votre caster Cinémaniac. D'ailleurs, je suis enfin ambassadeur, ça y est. C'est-à-dire que mon avis compte dans la notation globale des films. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à Sens Critique, je fais deux minutes. Hein, c'est pas démocratique. Comment ? C'est pas un système démocratique. Bah, disons que, par exemple, quand un film est noté 98%, c'est sur la base des notes des ambassadeurs. Bah oui, parce que c'est trop facile. Tu sais, il y a souvent des gens qui se créent des comptes, tu sais, qui notent mal les films pour que les notes descendent. Ouais. Là, non, il faut avoir vu 500 films, il faut... Enfin, bref, c'est un gros bordel pour... J'ai mis quand même un an, hein. Deux ans. 2 ans pour être ambassadeur, hein. Donc, vraiment. Et du coup, bah, quand, ça me fait plaisir, parce que quand je note un film que j'aime pas, et bah, quand je vois la note passer de... Genre de 30% à 20%, je suis là, je suis content. Voilà. Donc c'est une petite fierté, parce que je suis ambassadeur. C'est un peu dégueulasse comme système. Ouais. Si vous aimez les communautés d'élitistes, et bien allez sur votre caster. Les trolls, justement. Je trouve ça largement mieux. Ouais. C'est moins bordélique, justement. Surtout que sur ce genre de site-là, que ça soit Sens Critique ou votre caster, en fait. Je trouve que, de toute façon, personnellement, je ne me fie plus vraiment aux notes qui sont données, parce que... Je trouve que ça a plus de sens. Non, moi je me fie. Je me fie jamais vraiment, mais aux micro-critiques, L'intérêt, c'est plus dans les critiques, je trouve. Oui, dans les micro-critiques, il y a souvent des débats. D'ailleurs, à la différence maintenant, ils ont enlevé les moins 1. Avant, on pouvait mettre des pouces rouges. C'était anonyme, c'était gratuit. C'est-à-dire que moi, j'avais dit que Black Swan, c'était pas très bien, que je trouvais ça un peu prétentieux. Je m'étais pris 15 pouces rouges, quoi. C'est vraiment... Et c'est justifié. Le fait de dire... le fait de dire qu'on n'aime pas... Même la ligne rouge, hein, j'ai même supprimé mes micro-critiques. J'étais arrivé à 25 pouces rouges, s'il vous plaît. Mmh. C'est violent. Mais le simple fait de dire qu'on n'aime pas, du coup, c'est pas constructif, et le fait d'avoir supprimé les pouces rouges, ouvre davantage les débats, pour le coup, non, Vodcaster est un super site, mais après, il y a des brebis galeuses, effectivement, des trolls, c'est partout pareil. Le truc, c'est que sur Sens Critique, les trolls ne sont pas vraiment considérés, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, finalement, sur Vodcaster, ça s'accorde quand même plutôt bien. C'est plus en petite communauté, c'est vrai, on est moins nombreux que sur Sens Critique, c'est clair, mais c'est vrai que il y a des membres, on se connaît un petit peu entre guillemets, c'est vrai que quand j'ai vu que j'étais ambassadeur, ça m'a fait plaisir. Ok, bon. Les gens qui te félicitent. On va peut-être passer. Oui. Je crois que c'est tout, t'as tout dit, Morgane, je pense que t'as tout. Oui, je suis désolé. Désolé. Merci encore beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Bon, finalement, il fera quand même 2 heures... 2h20 au moins. Eh ben, si j'avais parlé de Victoria et des démons et plein de trucs, ouais. On y sera encore. Voilà, on sera encore à 3h. Donc merci d'avoir écouté. On se retrouve le mois prochain pour l'épisode numéro 29. Et d'ici là, en milieu de mois pour le nouveau Parlons Cinéma. L'épisode 17. Parlera de Tim Burton. Voilà, exactement. Pour le prochain Movie Nerd en tout cas. Oui. Et d'autres films encore. De toute façon, il y a pas mal de sorties en octobre. Doctor Strange. Donc voilà. Comme d'habitude, au mois d'octobre, on a des bonnes sorties. Ouais, voilà. Bon, ciao. Ciao. Au revoir.